Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois la même tête, la même grimace, la même face. Est-elle fascinée par la planète bleue, ou au point de ne plus pouvoir s'en détourner? Ou bien est-elle jalouse de celle-ci, car c'est elle qui est en train de tourner? Une curiosité astronomique qui semble nous montrer une horlogerie bien précise et bien cadrée du système lunaire au système solaire tout entier. Pourtant, c'était loin d'être le cas par le passé. C'est d'un nuage chaotique de gaz et de poussière que toute cette horlogerie est née. Comment dans un tel chaos, du coup, sommes-nous arrivés d'une Terre et d'une Lune dansant pour l'éternité? Ce soir, pour y répondre et tenter de l'expliquer, on a la joie de recevoir Sébastien Charnoz, un des experts intergalactiques, on peut le dire, de cette relation entre Lune et Terre. Une histoire d'amour à impact indéterminé, presque plus mystérieuse que la naissance de l'univers tout entier. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Vous écoutez l'épisode 452. Bienvenue sur Podcast Science. Et ce soir, en tour de table virtuelle, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. D'une autre face de la Terre, on a Eléa depuis Strasbourg. Salut. Pascal, pas très loin depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Notre invité, Sébastien Charnoz depuis Paris. Salut. Moi-même depuis Perdiville. Et puis Johan depuis Paris, qui va nous présenter un peu les recherches que nous fait Sébastien Charnoz. Bonsoir à tous. Eh bien, merci Cléora pour cette introduction très poétique. Et donc oui, je voulais recevoir Sébastien depuis assez longtemps. Tu es enseignant chercheur à l'Université de Paris, anciennement Paris Diderot, anciennement Université Paris 7. Et c'est aussi l'université de Pierre Kerner, alias Topo sur notre podcast. Et c'est d'ailleurs par ce biais que tu nous as contacté il y a 2 ans pour nous dire que tu appréciais beaucoup les interventions de Pierre sur le podcast. Et donc, avec un petit peu de retard, j'ai enfin réussi à te recevoir sur le podcast. Et donc, tu es spécialiste de beaucoup de choses, on va en parler ce soir, mais en particulier de la formation de la Lune, la formation des satellites et de la formation de la Lune. Et je voulais, si c'est vers ça que va tendre cette émission, mais donc pour comprendre un peu et pour donner un peu d'échelle à nos auditeurs, je vous propose de parler un petit peu de formation de système solaire, de formation des satellites et puis des satellites en général, et puis de finir une grosse partie sur la Lune à la fin pour comprendre comment est-ce que ça arrive. Et du coup, je vais commencer par une question assez classique sur le podcast. Quel est le parcours qui te mène à devenir enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot? Et puis, je sais aussi que tu es chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris. Et donc, pourquoi un astrophysicien fait de la recherche à l'Institut de physique du globe? Pourquoi qui serait plutôt, j'imagine, de la géologie? Ouais, bah déjà, première chose, je voulais vous remercier pour votre invitation qui me touche beaucoup. Comme tu l'as dit ou tu l'as laissé entendre, effectivement, ça fait pas mal de temps que je vous suis, parce que bon, comme beaucoup de personnes, j'écoute pas mal de podcasts. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'écoute Podcast Science. Je crois que j'ai dû écouter Podcast Science la première année, à l'époque où c'était Alan, c'est ça, qui était à Lausanne, si je me souviens bien, qui avait mis ça en place. Voilà. Alors, j'ai pas écouté les 458 épisodes, hein, mais voilà, donc je suis content aujourd'hui de pouvoir intervenir parmi vous. Donc pour répondre à ta première question, alors quel est le parcours qui m'a mené vers l'enseignement à la recherche? Eh bien écoute, moi j'ai un parcours qui est assez classique à certains égards, moins classique à d'autres, c'est-à-dire que j'ai eu un certain nombre de coups de chance, d'opportunités que j'ai pu saisir. Donc moi j'ai fait, ça me rajeunit pas, j'ai fait mon master à l'observatoire de Meudon, comme beaucoup d'astrophysiciens français, alors en fait dans les années 90. Et à cette époque, j'ai fait ma thèse ensuite avec quelqu'un qui a marqué son époque, hein, qui s'appelle André Brahic. Bon, peut-être que c'est un nom que vous connaissez. André est mort il y a de ça 7-8 ans à peu près. Et André était un planétologue, on va dire, très très médiatique en France. Et c'est quelqu'un qui s'était distingué parce que c'était le seul Français des missions Voyager. Voilà, c'est un spécialiste des anneaux. Donc voilà. Donc au début, j'ai commencé mon travail sur les anneaux avec André. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en 1997 a décollé a décollé la mission Cassini, donc qui est partie vers Saturne. Il y avait 7 ans de voyage. Et donc 97, c'était le début de mon doctorat en fait. Donc j'ai fait mon doctorat pendant que Cassini voyageait vers Saturne. Et Cassini est arrivé en 2004. Et donc voilà. Alors quand vous avez en astronomie, faut savoir que l'astrophysique, c'est une discipline qui est très drivée par les grandes missions spatiales. Quand vous avez une mission, vous avez plein de chercheurs qui se mettent à travailler dessus. Ça ouvre des contrats, ça ouvre des postes, enfin toutes ces choses-là. Et donc, vers 2001 à peu près, les gens commencent à se dire « Oh là là, mais il faudrait recruter des gens pour pouvoir exploiter les données de la mission Cassini. » Parce qu'André, avec qui je travaillais, faisait partie d'équipe d'imagerie. Puis il y avait d'autres instruments. Il y avait beaucoup de collaborations françaises, en particulier de l'Observatoire de Meudon, voilà. Et donc finalement, voilà, bénéficiant de ce contexte, l'Université Paris-Diderot avait ouvert un poste d'enseignant-chercheur spécifiquement pour travailler sur la mission Cassini. Et puis moi, comme j'avais bossé sur les anneaux de Saturne et la formation planétaire, c'était mes deux spécialités. Eh bien, j'étais recruté en fait finalement assez rapidement. Hein. Je devais partir en postdoc en Suisse avec un formidable chercheur qui s'appelle Willy Benz, un grand spécialiste de formation planétaire et le leader de la mission Khéops aujourd'hui. Mais j'ai été recruté et en même temps après j'ai voulu repartir en Suisse mais j'étais rattrapé par le service militaire donc finalement j'y suis pas arrivé mais c'est comme ça que je suis entré dans le beau métier de l'enseignement et de la recherche voilà. Et pour l'Institut de physique du globe qui est aussi t'as une autre casquette. Oui, donc si tu veux, voilà, donc moi j'ai axé ma recherche principalement sur la formation. Ben, j'ai fait vraiment deux choses. Hein. J'ai travaillé dans les missions spatiales dans Cassini, j'ai beaucoup travaillé sur les anneaux, j'ai travaillé sur la formation des satellites, et j'ai pas mal bossé sur la formation planétaire. Mais en fait, ces trois questions forment un tout. Hein. Vous apercevez que quand vous faites de la formation planétaire, vous êtes pertinent pour parler de la physique des anneaux et vous êtes aussi pertinent pour parler de la physique des satellites. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans au commissariat à l'énergie atomique, donc au CEA Saclay, au sud de Paris. Et tous les 4 ans est organisé par le CNRS et OZUCH une école qui s'appelle il y a une école sur la formation du système solaire au mois de février. Alors c'est bien parce que vous faites du ski et de la formation planétaire, c'est très sympa. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré des chercheurs de l'Institut de physique du globe et aussi de Nancy, voilà. Et donc moi je travaille sur la formation planétaire, c'est plutôt la modélisation, comment sont formées les planètes, les premiers grains, les premiers solides. Et j'ai découvert en discutant avec ces gens-là, moi je connaissais pas les gens qui faisaient des météorites et des choses comme ça, qu'en fait, dans les collections de météorites, ces objets-là, en fait ces météorites, vous avez des objets qui sont nés vraiment dans le disque protoplanétaire, plus ou moins en même temps que le Soleil. Vous avez des minéraux, par exemple, qu'on appelle les CAI. Alors c'est un nom compliqué, ça veut dire calcium, aluminium, inclusion, c'est des minéraux riches en calcium et en aluminium. Vous avez d'autres minéraux compliqués qui ressemblent à des billes qu'on appelle des chondres. Ces trucs-là sont nés dans le disque protoplanétaire avant les planètes, ok? Et ces choses-là ont 4,5 milliards d'années et vous pouvez les mettre dans votre main, ok? Vous pouvez les tenir, ok? Ces choses-là, ce sont des objets qui prédatent, qui sont plus vieux que les planètes elles-mêmes, ok? Donc à ce moment-là, il m'est apparu, c'était évident en fait qu'il y avait un trésor d'informations en fait dans les collections de météorites et dans l'étude des météorites. Et bien entendu, nos amis géochimistes et cosmochimistes l'ont bien compris, mais il est clair que les modélisateurs comme moi, qui sont plutôt des astronomes classiques qui viennent de la physique, et les géochimistes qui étudient les météorites et les minéraux, on parle vraiment un langage qui est différent, mais en fait, on a plein de choses à se dire. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens formidables, Manuel Moreira, Marc Chaussidon, enfin ces gens-là se reconnaîtront, qui sont des chercheurs formidables, et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait que finalement, on pouvait comme contraindre vraiment les modèles astrophysiques de formation planétaire à partir de l'étude des météorites. C'était évident pour tout le monde, mais simplement, il fallait faire l'effort d'essayer de parler ce double langage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et donc, en discutant avec ces gens-là, j'ai découvert plein de choses. Il y a plein de nouvelles contraintes physiques que je ne connaissais pas. Et peu à peu, je me suis dit, je vais progressivement migrer à l'Institut physique du globe. Et donc voilà, comme ça, je suis à l'Institut physique du globe. Donc, je suis le seul astronome de l'Institut physique du globe. Pas entièrement le seul, il y en a d'autres maintenant qui travaillent sur Mars, l'émission CIS, vous avez peut-être entendu parler, voilà. Mais j'ai voulu m'inscrire dans une démarche multidisciplinaire, voilà. Alors c'est pas tous les jours facile parce que pour eux, je suis vraiment complètement nul en fait en cosmochimie hein, quand je parle avec ces gens-là. Mais année après année, j'arrive à m'y mettre. Je commence à comprendre ce que c'est que ces graphiques. Et puis maintenant, on a des projets, on arrive un peu à parler le même langage et on commence à comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans les météorites et à apprendre les contraintes que ça nous donne sur comment sont formées les planètes. Très bien, bah merci pour cette détailler ton parcours interdisciplinaire. Et je sais aussi que tu enseignes beaucoup. Tu es enseignant chercheur à Paris, à l'Université de Paris. Quelles sont les matières enseignées? Est-ce que cette activité est importante pour toi? Ah oui, l'enseignement c'est quelque chose de formidable. Hein. Alors c'est quelque chose dont on adore se plaindre hein, quand on fait de la recherche, mais l'enseignement est quelque chose de formidable. Oui, en fait en France l'astrophysique c'est considéré comme une discipline de la physique. Hein, donc en fait finalement je suis considéré comme un physicien donc j'enseigne la physique. Alors j'enseigne plein de choses en physique. J'ai fait de la thermodynamique, de la mécanique, des choses comme ça. J'ai beaucoup enseigné en licence. J'ai monté des parcours. Mais je pense que l'enseignement dans la vie, au-delà de mon simple parcours, je pense que c'est vraiment très important dans la vie de tout chercheur, que ce soit astronome ou pas. Parce que premièrement, il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué, c'est quelque chose que m'avait dit André, mais je trouve que c'est toujours très clair. En fait, on ne comprend bien un sujet que quand on est capable de l'enseigner, quoi. Et avec du recul, honnêtement, je peux vous dire que j'avais l'impression quand j'étais en thèse, j'avais compris la mécanique ou la thermodynamique ou des sujets comme ça. Voilà. Parce que bon, j'ai un parcours physicien. Mais finalement, c'est bien des années plus tard que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris. C'est quand j'ai commencé à l'enseigner, quoi. Voilà. Donc déjà, je vous avouerai que l'enseignement, c'est fondamental pour solidifier ses connaissances parce que ça vous oblige à réinterroger vos connaissances en permanence. Et puis aussi, dans la vie d'un chercheur, faut pas se leurrer. Ben, je pense que, d'après ce que j'ai compris, pas mal d'entre vous sont des gens du milieu de la recherche, en fait. On n'est jamais toujours productif, quoi. On n'est jamais toujours productif. Il y a des moments dans la vie, on ne sait pas pourquoi, mais les idées viennent pas. Puis il y a des moments dans la vie, ça fuse parce qu'il y a un bon contexte. Et je trouve que le métier d'enseignant-chercheur offre un très bel équilibre entre ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en recherche, vous êtes moins performant. Alors, au lieu de vous apitoyer, c'est des bons moments pour investir sur l'enseignement. Puis il y a des moments où la recherche va un peu mieux. Et dans ce cas-là, peut-être vous investissez un peu moins sur l'enseignement et vous remettez sur la recherche. Je trouve que ça permet de faire une bonne balance, quoi. Voilà. Donc appel à tous ceux qui hésitent entre le CNRS et les métiers d'enseignant-chercheur. Voilà. Et puis souvent la recherche, il suffit pas de dire tiens bon alors maintenant je cherche, je vais trouver un truc. C'est pas du tout comme ça que ça marche, quoi. En général, ça vient quand vous attendez pas en général. Voilà. Très bien, passons au sujet de ce soir. Donc on va finir sur la Lune. C'est ça le sujet de ce soir. Mais je propose de, comme tu as dit, tout est lié. Je propose de commencer un peu au début. Formation du système solaire. Donc comment est-ce qu'on sait en fait l'âge du système solaire? Comment ça se passe en fait rapidement? Est-ce que tu peux nous faire une histoire de comment est-ce qu'on arrive à notre système aujourd'hui? Alors je vais vous raconter une histoire, ok? Mais une histoire en plus, je crois que vous avez déjà eu un épisode dessus. Alors je sais plus qui l'avait fait, mais j'avais trouvé plutôt bien. C'est pas toi même, voilà. J'avais trouvé plutôt bien, voilà. Oh, merci. Mais en résumé, on a un scénario de formation des planètes, ok? Mais il marche pas. Voilà. Donc en gros, on ne sait pas comment se forment les planètes. Alors bien entendu, je fais un peu de la provoque quand je dis ça. Quand je vous dis qu'il marche pas, c'est-à-dire que le scénario de formation des planètes, c'est une trame sur laquelle tout le monde se greffe un petit peu, ok, même beaucoup. En fait, on a une sorte, si vous voulez, de grand déroulé. Mais on sait très bien que dans ces scénarios, il y a plein d'étapes qu'on ne comprend pas, ok. Et en particulier des étapes extrêmement critiques. Alors bon, je sais pas si c'est le sujet ce soir, mais si vous avez des questions, on pourra détailler. Mais si vous voulez, il n'y a aucun scénario de formation des planètes qui vous permet d'aller du début où on pense qu'on avait un disque de gaz, de composition solaire, jusqu'à la fin où on a des planètes. Il y a plein d'étapes critiques qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que la théorie de formation des planètes, elle est très jeune. Hein. Elle a démarré dans les années 70-80 et ensuite elle a vraiment explosé avec l'apparition, enfin la découverte des premières exoplanètes dans les années 90. La théorie de formation des planètes, elle est plus jeune que la théorie du Big Bang, hein. Premièrement, on sait mieux comment se forme l'univers que comment se forment les planètes. La théorie du Big Bang est une théorie qui est bien mieux assise, qui est bien mieux validée que la théorie de formation planétaire. Ok, voilà. Donc, alors le problème, il vient d'où en fait? Le problème, c'est que notre système solaire a énormément évolué depuis sa formation. Donc, beaucoup de traces ont disparu de la formation des planètes. Donc, on va en parler. La question, c'est où est-ce qu'il faut aller chercher pour trouver des fossiles? Deuxièmement, le grand problème qu'on a, c'est que quand vous formez des planètes, vous avez un système qui passe son temps à se transformer au début du gaz, après vous avez des grains, après vous avez des planètes. Donc en gros, en réalité, malheureusement, vous savez que les disciplines sont très séparées en sciences. Donc vous avez le spécialiste du gaz, il connaît très bien son gaz, mais il connaît pas les grains. Le spécialiste des grains, il connaît bien les grains, mais il connaît pas les gaz, il connaît pas les planètes. Le spécialiste des planètes, il connaît pas l'hydrodynamique. Voilà. Donc tout ça fait que si vous voulez former des planètes, en gros, il faut faire appel quasiment à toutes les disciplines de la physique. Vous allez de l'hydro jusqu'à la mécanique quantique, en passant par à des trucs que les physiciens n'aiment pas trop, du genre la mécanique des roches des trucs un peu bizarres qui sont en laboratoire avec des mauvaises équations. Donc tout ça fait en fait que vous avez besoin d'un très grand nombre de spécialistes. Et au total, il y a un scénario qui est bâti, mais qui a beaucoup, en tout cas, d'indéterminés ou de trous. Et enfin, le dernier problème, c'est qu'on connaît très très bien notre système solaire, ok. Donc, on a une surabondance d'informations sur notre système solaire, mais par contre, on a quasiment aucune information sur des milliers d'exoplanètes qu'on a découvertes. Donc, on est toujours dans cette tension. On est toujours en train de se demander de savoir est-ce qu'on voit dans le système solaire, c'est du général ou c'est du particulier. Et en fait, on ne sait pas très bien, en fait. Donc, par exemple, si on arrive à expliquer un truc dans notre système solaire, on sait jamais très bien si ce qu'on a réussi à expliquer, c'est quelque chose qui va s'appliquer partout, ou au fond, finalement, si c'est qu'une spécificité de notre système solaire. Et donc, faut faire du tri en permanence, et ça, c'est assez compliqué. Alors ensuite, donc, je vais répondre à ta question, en fait. Quelle est cette trame en très résumé? Donc, en gros, l'idée, c'est que quand vous regardez le milieu interstellaire, vous avez ce qu'on appelle des nuages moléculaires, qui sont des grands nuages, en gros, très riches en hydrogène et en hélium. Et en plus, quand vous les regardez sur les photos, en fait, ils sont très sombres parce qu'ils sont chargés de grains qui alternent la lumière. Bon. Et donc, ces nuages moléculaires, en fait, ils sont très froids, à peu près 10 Kelvin. Alors, 10 Kelvin, ça fait à peu près moins 260 degrés. Et ils ont tendance, en fait, à s'effondrer sur leur propre poids. Quand ils s'effondrent sur leur propre poids, le matériau se concentre. Et puis quand vous concentrez en gaz, la température monte. Et puis vous allez commencer à former une jeune étoile qu'on appelle techniquement une proto-étoile. Voilà. Mais tout le gaz va pas tomber dans l'étoile, en fait. Il y a une partie du gaz qui n'arrive pas à tomber dans la jeune étoile et qui va se mettre en orbite autour de l'étoile. Il va former un disque. Alors, il y a tout un tas d'histoires de conservation de moment cinétique. Vous savez, en gros, dans l'idée, dans l'univers, vous avez trois objets. Vous avez les boules, les disques et les objets irréguliers, quoi. Les boules, c'est tout ce qui produit de l'énergie ou qui ne perd pas d'énergie, par exemple les étoiles ou les planètes. Les objets irréguliers, c'est tous les systèmes qui n'ont pas atteint l'équilibre, par exemple les nébuleuses, voilà. Et les disques, c'est quoi? C'est tous les systèmes, en fait, qui perdent de l'énergie. Tous les systèmes qui perdent de l'énergie s'aplatissent comme des disques. Et en fait, quand vous avez le nuage qui s'effondre sur l'étoile, il va former un disque parce qu'en fait, il irradie son énergie dans l'espace. Voilà. Bon. Donc, vous formez un disque qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et ce disque protoplanétaire, on les voit, hein, il y en a plein dans les bus d'Orion. Voilà. Bon. Et ce disque, en fait, il est riche en hélium, en hydrogène, et il est plein de poussière. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les petites poussières vont commencer à se coller les unes aux autres. Alors, on ne sait pas très bien, on a plein d'idées, mais bon, on a l'impression que ça doit marcher. Ensuite, ces petites poussières vont former des espèces de petits cailloux. Et ces cailloux vont commencer à s'agglomérer pour former des gros objets kilométriques qu'on appelle des planétésimaux. Voilà. Puis ensuite, les planétésimaux vont se coller pour former des protoplanètes. Et enfin, les protoplanètes vont s'assembler pour former des planètes. Voilà, ça c'est un peu l'idée, mais il faut savoir qu'à chacune des étapes dont je vous ai parlé, il y a énormément de développement théorique. Parce qu'on a beaucoup de mal, en fait, de passer d'un objet à l'autre. À chaque fois, il y a toujours pas mal de problèmes, en fait. Voilà. Et tout ça prend à peu près, former des planètes, ça va prendre typiquement, 100 millions d'années. Voilà. Alors que le système solaire a 4,5 milliards d'années. D'accord. Donc, on est un système qui est plutôt, stable, vieux, maintenant, par rapport à... Oui, voilà. Alors, en fait, comment est-ce qu'on sait que le système solaire a 4,5 milliards d'années? En fait, tout simplement, si je puis dire, c'est l'âge des plus vieux minéraux qu'on a jamais trouvé. En fait, quand vous prenez certaines météorites, hein, vous avez des petits minéraux blancs, donc qu'on appelle justement qui sont riches en calcium. C'est pour ça qu'ils sont blancs, en calcium, en aluminium. Et ces petits minéraux, c'est vraiment les objets les plus vieux qu'on a jamais mesurés, en fait, quoi. Et leur âge, c'est 4,566 milliards d'années. Et pourquoi on pense que c'est l'âge du système solaire? Et ben parce que en fait, à côté de ça, vous avez les modèles de formation du Soleil, d'évolution stellaire, qui vous disent que le Soleil doit avoir lui-même à peu près 5 milliards d'années. Donc il y a un bon match en fait entre les deux, entre l'âge de ces minéraux et l'âge des minéraux. Il est mesuré, c'est pas un modèle, c'est une vraie mesure. Alors que l'âge du Soleil, c'est modèle dépendant. Ok, mais comme il y a un bon match entre les deux, tout ça a l'air relativement cohérent. Et donc, aujourd'hui, c'est presque une convention, hein, en fait. On place le T égale 0 du système solaire à l'âge de ces minéraux qu'on appelle les CAI, donc 4,566 milliards d'années. Et il faut savoir que, par exemple, la Terre a à peu près 100 millions d'années de moins, la Lune a à peu près, non, voilà, 50 millions d'années de moins, la Lune 100 millions d'années de moins. Donc, ça a l'air d'être vraiment la borne supérieure de tout ce qu'on voit dans le système solaire. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on dit que le système solaire a 4,56 milliards d'années. Donc, tu as parlé un petit peu d'exoplanètes. Donc, je voulais le rappeler, du coup, c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Ah oui, pardon, bien sûr. Voilà, donc on en connaît maintenant 4400, j'ai été regardé hier. Ça change tous les jours, hein, donc c'est comme les cours de la bourse. Mais enfin, ça monte toujours. Oui, c'est pas comme les cours de la bourse. C'est différent des cours de la bourse, voilà. Et donc, elles évoluent dans 3200 systèmes, parce qu'en fait, on sait aussi qu'il y a... Il y a beaucoup de systèmes où on a découvert plusieurs, ouais, jusqu'à 7, je crois, TRAPPIST. Oui, oui, je crois que c'est TRAPPIST qui a le record. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble bien que c'est TRAPPIST qui a le record. Ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et donc, bah, je voulais, donc, t'en as un petit peu parlé, mais je voulais un peu savoir, donc, la première exoplanète, c'est relativement récent, c'est 95, donc, il y a 25 ans. Qu'est-ce que la découverte, en fait, de ces nouvelles planètes a aidé à notre compréhension de notre propre système? Et comment ça a la même influencé, en fait? Comment ça a changé notre façon de voir notre système? Quand Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète, ils ont trouvé un objet qu'ils n'attendaient pas, enfin que personne n'attendait, en fait, en réalité. Voilà, en fait, leur découverte, ça a été... ils ont mis en évidence un objet de la taille de Jupiter et qui orbite, donc un gros objet, hein, la taille de Jupiter, et qui orbite, je crois, alors j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas c'est à l'intérieur de l'orbite de Mercure, peut-être même une fraction de l'orbite de Mercure, là j'ai pas exact le chiffre exact en tête. Et ça c'était, alors au début on les a pas cru, ok, mais bon, la mesure était sérieuse. Ensuite, pendant 5-6 ans, tout le monde a dit c'est pas possible, c'est peut-être une perturbation. Ils utilisaient ce qu'on appelle une mesure par effet Doppler, donc c'est la spectroscopie. Donc on s'est posé la question si ça pouvait pas être des mouvements de la surface de l'étoile qui auraient imité la signature d'une planète. Bon, et puis finalement non. Et donc la découverte a été confirmée indépendamment par d'autres instituts. Et si, voilà, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait la diversité des planètes dans la galaxie est bien plus grande que ce qu'on trouve dans le système solaire. Vous auriez dit à un chercheur dans les années 90, est-il possible d'avoir un Jupiter plus près, enfin, à la distance de Mercure? Tous les chercheurs en formation planétaire, vous auriez dit non. Alors, non, tout simplement pourquoi? Parce que, pour former Jupiter, Jupiter c'est très gros, c'est plein craqué de gaz, donc il faut beaucoup de gaz. Et où est-ce que vous avez beaucoup de gaz froid pour former Jupiter? Eh ben, c'est pas à la distance de Mercure. Il faut former Jupiter très loin, typiquement à 5, 10 fois la distance Terre-Soleil. Voilà. Mais cet objet, il était là. Et donc, ce que ça nous a permis de comprendre, enfin, ça a forcé des développements théoriques, mais en fait, ces développements théoriques, de manière intéressante, ils avaient été faits bien avant, mais simplement, les gens sont allés chercher dans d'autres disciplines, en réalité. Parce que ça, les gens ont dit, mais alors, comment c'est possible? Il est clair que ce Jupiter chaud ne s'est pas formé sur place. Et on s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible de pas former un Jupiter loin, parce qu'il faut bien le former, on voit pas comment le former autre part que loin, mais comment le rapprocher au niveau de Mercure, par exemple? Et c'est là où, en fait, il y a eu un corpus de connaissances gigantesque qui s'est formé à ce moment-là, c'est toutes les théories de migration planétaire. Et ces théories de migration planétaire, en fait, elles viennent d'où? Bah, les gens sont allés chercher dans la physique des anneaux planétaires. Parce que dans les années 80, sur un sujet complètement différent, on avait compris que les satellites de Saturne migraient dans les anneaux de Saturne. Vous avez un disque dans lequel vous avez des objets qui bougent dans les anneaux de Saturne. Vous avez un très grand chercheur qui s'appelle Peter Goldreich, qui est un peu à l'origine de toute cette théorie, puis un autre grand chercheur qui s'appelle Tremen, voilà. Mais au début, ça avait été développé pour les anneaux de Saturne. C'est les gens s'intéressaient à la migration des satellites dans les anneaux. Mais en fait, quand vous regardez la théorie, suffit de la changer, hein. C'est plus Saturne, c'est le Soleil, c'est plus les anneaux, c'est le disque protoplanétaire, et c'est plus une lune de Saturne, c'est Jupiter. Et toute la physique est la même. Et les gens ensuite sont allés repêcher toutes ces théories qui avaient été pondues dans les années 80 pendant les missions Voyager et se sont aperçus en fait que ça s'appliquait très bien pour la formation planétaire. Et ce que les gens ont compris, c'est qu'en fait quand Jupiter se forme ou quand une planète comme Saturne, Uranus et Neptune se forme, et ben en fait elle doit. Alors le problème c'est qu'il y a plein de petits problèmes. elle doit en théorie, sauf chez nous en fait, sauf dans notre système solaire, et c'est bien ça le problème qu'on a. Toutes ces grosses planètes qui se forment, les protoplanétaires, elles doivent migrer très vite vers leur étoile. Et en fait, on a compris que cette idée très simple sur laquelle tout le monde était parti sans réfléchir dans les années 70, 80, 90, qui était que les planètes se formaient là où on les voit aujourd'hui, en fait, c'est faux. La plupart des planètes se déplacent et leur sens de déplacement préféré, c'est en direction de l'étoile. Au point même où il est très probable que on pense que la plupart des systèmes planétaires ont perdu plein de planètes. Plein de planètes ont dû tomber dans leur étoile. Voilà. Parce que la grosse question, c'est bon, alors la migration planétaire, est-ce qu'il y a un moyen pour la stopper? On sait pas bien stopper la migration planétaire. Alors, il y a des théories avec le bord du disque, etc., mais enfin, c'est pas très clair. Alors, on se trouve dans une situation extrêmement paradoxale et très drôle. C'est-à-dire que cette belle théorie semble très bien marcher pour les systèmes exoplanétaires, c'est-à-dire qu'on a découvert, en fait, depuis plein de Jupiter chaud, plein de Neptune chaud, etc. Et donc, les gens disent, bah voilà, c'est très simple, ça s'est formé très loin, et badaboum, ça s'est rapproché du Soleil. L'explication, il y a qu'à aller voir Goldrich et Tremain. Voilà. Mais il y a un endroit où on a l'impression soit que ça s'est pas passé, ou si ça s'est passé, ça s'est passé de manière extrêmement différente. Et cet endroit, c'est notre propre système solaire. La théorie de migration planétaire explique très bien les exoplanètes, donc 4000 objets, sauf un système, le nôtre. Et là, on est bien embêté parce que maintenant, alors on enseigne aux étudiants la théorie de migration planétaire, on leur explique que ça marche partout, et ensuite après on leur explique qu'en fait ça a peut-être pas marché chez nous. Alors voilà, il est sûr que pour notre système solaire, il n'est pas du tout clair si Jupiter a migré ou pas. Alors il y a des gens qui disent que Jupiter s'est formé plus loin, mais pourquoi est-ce que Jupiter s'est arrêté là où il est aujourd'hui, on sait pas très bien. Et ensuite, aussi, ça va même plus loin. S'il y avait eu des planètes géantes qui avaient migré jusqu'au Soleil, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas de Terre, il n'y aurait pas de Mars, il n'y aurait pas de Mercure, il n'y aurait pas de Mercure, il n'y aurait pas de Vénus, parce que quand une planète géante migre, elle détruit toute la structure du système sur son passage. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans notre système solaire, mais qui s'est passé dans les exoplanètes. Et ça, pour l'instant, alors bien entendu, il y a des gros débats, mais ce n'est pas du tout clair. Voilà. Donc, en même temps, vous voyez, premièrement, et là, deuxième chose, je serais beaucoup plus rapide, ce que nous ont permis de découvrir les exoplanètes, c'est qu'en fait, la diversité des planètes est beaucoup plus grande. Vous avez des planètes qui ressemblent à des Neptune, mais qui sont à la position de Vénus. Vous avez peut-être des planètes recouvertes d'eau. Vous avez des super-terres, des planètes qui sont peut-être deux fois plus grosses que la Terre. Vous avez peut-être des super-terres recouvertes d'une atmosphère aussi grosse que Neptune, etc., etc., etc. Donc, en fait, finalement, il y a une diversité, une richesse planétaire dont on n'a pas idée si on se contente de regarder un système solaire. Voilà. Du coup, on a une question dans la chatroom, donc j'allais en parler, mais du coup, elle est très bien, celle de Niv, qui dit, est-ce qu'on n'aurait pas un biais parce qu'on n'a pas trouvé d'autres systèmes et qu'il en existe beaucoup? Donc un biais observationnel qui fait qu'on a l'impression que... Alors c'est une très bonne question, mais en fait, le biais dans les exoplanètes, il est absolument gigantesque, en fait. Il est absolument gigantesque parce que le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, donc... Il y a deux grandes techniques de détection. Vous avez ce qu'on appelle les transits. Donc, en gros, les transits, ça consiste à avoir une éclipse. Alors, le truc, c'est que, si vous voulez voir une éclipse, il vous faut, ce que vous arrivez à voir, c'est une grosse planète très proche de son étoile. Voilà. Donc, vous n'arrivez pas à voir une petite planète loin de son étoile. Donc, les transits, vous êtes biaisé vers les grosses planètes proches de l'étoile. Et vous avez une autre technique qui s'appelle les vitesses radiales, qui consiste à mesurer la perturbation, l'accélération sur l'étoile. Et la méthode des vitesses radiales aussi, c'est embêtant aussi, elle est aussi sensible, exactement la même chose, c'est-à-dire les grosses planètes proches de l'étoile. Donc en gros, si vous avez un gros objet proche de l'étoile, vous le détectez, mais si vous avez un objet plus petit loin de son étoile, vous le détectez pas. Et c'est extraordinaire, quand vous regardez le catalogue d'exoplanètes, il est dominé par les gros objets proches de leur étoile. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'abuse personne, et tout simplement, ça veut dire que vous détectez majoritairement le type d'objet auquel vous êtes le plus sensible. Bon, et toute personne qui a fait un peu d'instrumentation en astronomie ou dans n'importe quel domaine des sciences sait bien que tout détecteur a une gamme de sensibilité préférée. Bon, alors, il est clair qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait poser la question dans ce sens-là. Est-ce qu'on serait capable de détecter notre propre système solaire ? Ben aujourd'hui, la réponse, en fait, est plutôt non. On va dire qu'on est vraiment en limite de détection. C'est-à-dire, Mercure, on serait impossible à détecter. Elle est trop petite. Vénus, ça, c'est limite. La Terre, on pourrait peut-être la détecter en transit, mais le problème, c'est que la Terre tourne tellement lentement, il faut attendre un an entre deux passages de la Terre devant l'étoile, qu'il faut des programmes d'observation extrêmement longs. Jupiter, ses limites, Saturne, Uranus, Neptune, aucune chance de les détecter. Donc, ça, c'est un des grands points d'interrogation. On ne trouve pas de système qui ressemble au système solaire parce qu'il n'existe pas ou parce qu'on ne le détecte pas. Voilà. Alors, je pense que dans 10 ans, on saura. Dans 10 ans, on saura. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on est un peu au milieu du guet, quoi. Voilà. Moi, j'avais un parallèle à faire avec ce que tu disais, et je trouve que c'est super intéressant sur ces limites de détection, qui est, on a exactement les mêmes problématiques pour détecter la vie extraterrestre, notamment. On est extrêmement limité par ce qu'on connaît. Donc, on cherche le point de données qu'on connaît, qui est la vie telle qu'elle est sur Terre, mais en fait, elle peut être différente. Et on est aussi extrêmement limité par ce qu'on peut voir et ce qu'on peut détecter en termes d'ADN, d'ARN, de cellules, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir qu'on a exactement la même chose pour détecter les nouveaux mondes. Oui, alors, André, donc mon ancien directeur de thèse, il avait une petite blague qu'il adorait faire en cours, mais je pense qu'on l'avait fait carrément dans beaucoup de cours en physique, en fait. Donc, je ne sais pas si elle est spécifique, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a perdu ses clés, il est dans une rue et puis il y a un réverbère et puis un faisceau de lumière. Et donc il cherche ses clés juste sous le réverbère. Puis un autre lui dit mais peut-être vous pouvez chercher ailleurs, peut-être que vos clés vous les peut-être perdues. Et il dit mais non, mais le truc c'est que je ne regarde que sous le réverbère parce que ailleurs je ne vois rien. Voilà. Et donc c'est exactement la même situation, ouais. C'est-à-dire qu'en fait vous cherchez quelque chose, mais simplement le seul endroit où vous pouvez chercher c'est là où vous avez un outil pour observer, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que ce soit ailleurs, mais vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas l'outil pour aller explorer, ben, vous êtes limité, quoi. Voilà. Très bien. Bah, donc, maintenant, on va passer à, maintenant qu'on a vu, donc, la formation du système solaire et les planètes, on va passer aux satellites. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un satellite clairement déjà, et est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est quelque chose que, est-ce qu'on pense que toutes les exoplanètes ont un satellite, par exemple? Alors, un satellite, en fait, bon, il n'y a pas vraiment de définition, hein. Il n'y a pas de définition aussi précise que celle des planètes. Ben, un satellite, si vous voulez, un satellite naturel, c'est un objet en orbite autour d'une planète. Voilà. Donc, ça veut dire que un caillou peut être un satellite. Alors après, vous avez les satellites naturels, qui sont des objets naturels, la Lune, par exemple, les satellites de Mars, ou même parfois, vous avez des astéroïdes qui sont capturés de manière temporaire, et donc on dit qu'ils sont satellisés, mais pendant quelques orbites, ensuite ils s'en vont. Et vous avez les satellites artificiels. Alors ça, c'est toutes les constructions humaines, hein, je crois quoi, les satellites de la météo, les satellites de la NASA, les satellites de l'ESA, les satellites militaires, voilà. Bon, alors quand je parle de satellites, là, on fait des sciences, de l'astronomie. Moi, je m'intéresse pas du tout aux satellites artificiels. Moi, je m'intéresse aux satellites naturels. Alors, est-ce que c'est commun? Alors déjà, dans les satellites naturels, en plus, on en distingue plusieurs familles. Et y a ce qu'on appelle les satellites réguliers. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'on entend quand on parle de satellites, à moins qu'on précise. Ce qu'on appelle les satellites réguliers, c'est les satellites qui ont une orbite qui est quasiment comme un cercle, OK ? Et qui est dans le... Alors, vous savez que quand un objet décrit une orbite, son orbite est dans un plan, OK ? Voilà, il est dans un plan, le cercle de la Lune s'inscrit dans un plan. Et un satellite régulier, typiquement, c'est un satellite dont le plan de l'orbite est pas très loin de l'équateur de la planète. OK? Bon. Alors, il y a quand même une exception notable, c'est la Lune elle-même, parce que le plan orbital de la Lune, il est pas mal décalé, en fait, par rapport à l'équateur de la Terre. Bon, ça, c'est encore une grande question. Mais voilà, donc les satellites réguliers, ils tournent dans la plupart du temps, ils sont pas loin, leur plan orbital est pas loin de l'équateur de la planète. Et pourquoi on fait cette distinction? Parce que on a découvert autour des planètes géantes, autour d'Uranus, Neptune, plein de tout petits satellites qui orbitent très très très très très très loin de la planète et qui ont des plans orbitaux absolument dans toutes les directions, quoi. C'est une sorte d'essaim de lune qui tourne dans toutes les directions. Et ça, ces objets, on pense que c'est des objets capturés. Pour en reparler si vous voulez, on pense que c'est des objets capturés. Donc on distingue les gros satellites réguliers qui orbitent près de la planète, pas loin de l'équateur. Ceux-là, on pense qu'ils se sont formés plus ou moins en même temps que la planète ou pas très longtemps après. Et vous avez tous ces satellites extérieurs qui forment des essaims de satellites qu'on trouve uniquement autour des planètes géantes et qu'on appelle les satellites irréguliers, qui sont en fait des résultats de capture. Je vais vous donner un exemple. En 2001, quand Cassini s'approchait à côté de Saturne, Cassini a survolé un satellite qui s'appelle Phoebe, P-H-O-E-B-E, voilà. Et bon, c'est un satellite irrégulier. Et de manière très intéressante, on a plein de bonnes raisons que cet objet a été capturé et que, en fait, il s'est pas du tout formé autour de Saturne. On pense qu'il s'est formé beaucoup plus loin, à 4 ou 5 fois la distance de Saturne, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc, en fait, d'une certaine manière, le premier objet de la ceinture de Kuiper qui a été observé par une sonde humaine, c'est Cassini qui l'a observé en allant vers Saturne. Alors que la grande mission qui est allée dans la ceinture de Kuiper récemment, c'est la mission New Horizon et qui a pénétré la ceinture de Kuiper qu'il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Donc, il faut savoir que les planètes peuvent aussi capturer des satellites. Mais la plupart des satellites qui nous intéressent, c'est des gros satellites réguliers, comme la Lune. Alors, très rapidement, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Ben, en fait, Mercure n'en a pas, Vénus n'en a pas, la Terre en a un, c'est la Lune. Mars en a deux, c'est Phobos et Deimos. Bon. Alors, vous voyez, donc les planètes terrestres ont pas de satellites ou très peu de satellites. Mais alors, dès que vous passez dans les planètes géantes, alors là, vous avez des dizaines de satellites. Alors là, j'ai plus le compte parce que je crois que Jupiter doit avoir à 4 grands satellites réguliers, je crois qu'au total, il y a une dizaine, en fait, de satellites réguliers. Mais en plus, si vous comptez tous les petits satellites, Jupiter, je crois pas loin de 30 ou 40 satellites, quoi. Saturne, c'est à peu près pareil. Et pour Uranus et Neptune, on a des dizaines de satellites, mais on sait que pour Uranus et Neptune, le compte n'est pas fini. On n'a pas trouvé tous leurs satellites. On a bonne raison de penser qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas trouvé. Donc, à l'heure actuelle, dans le système solaire, vous avez aux alentours de 100, 110 satellites. Donc beaucoup plus que de planètes, hein. Vous avez à peu près 510 satellites qui ont été identifiés, mais on pense que le chiffre va encore monter. D'accord. Et pour les exoplanètes, est-ce qu'on a trouvé des satellites ailleurs, autour d'autres années? Eh bien non, parce que moi j'ai proposé plein de projets maintenant, et j'en suis bien triste, parce que moi j'ai proposé pas mal de projets de détection d'exolunes, et pour l'instant, nous avons fait chou blanc. Mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus, aux États-Unis, en Suisse, au Portugal, et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'exolune. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que déjà que c'est dur de trouver d'un objet de la taille de la Terre. Si vous voulez trouver un objet de la taille de Ganymède, de Titan, Ganymède qui est un grand satellite de Jupiter, Titan qui est un grand satellite de Saturne, même si vous voulez trouver un objet de la taille de la Lune, à l'heure actuelle, si vous voulez, on est en dehors des capacités de détection. Qu'on pourrait trouver éventuellement, ce serait ce qu'on aurait bien voulu trouver, mais pour l'instant il n'y a pas de signe. Ce serait pourquoi pas un objet de la taille de la Terre, un satellite de la taille de la Terre, donc un gros satellite, hein, qui orbite autour d'une planète type Jupiter ou un peu plus grosse que Jupiter. Alors ça peut paraître un peu fou, ok, mais a priori, selon les théories de formation des satellites, bon, qui elles-mêmes ont des problèmes, les théories de formation des satellites, hein, ok, il y a beaucoup d'incertitudes, mais a priori, c'est quelque chose qu'on peut pas exclure. Rien n'interdit a priori qu'on ait des satellites de la taille de la Terre qui orbitent autour de planètes qui ont 2 ou 3 fois la masse de Jupiter, par exemple. Alors ça, en théorie, on pourrait le détecter. Ok. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. Voilà. Alors, premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'arguments qui consistent à dire qu'il n'est pas. Donc tout à l'heure, je vous ai raconté que ces planètes géantes, elles ont tendance à migrer vers leur planète. C'est une tendance naturelle. Quand elles se forment, elles tombent dans la planète, et puis si elles tombent pas, elles s'arrêtent pas loin de la planète. Bon. En fait, il y a un effet physique qui tient aux lois de la gravité, qui fait que quand une planète se rapproche du Soleil, de son étoile, elle est de plus en plus sous l'emprise de la gravité de cette étoile. Ok. Et il est très probable, on pense que imaginons que vous avez Jupiter qui s'approche du Soleil avec tous ses satellites, il est très probable en fait qu'elle perde ses satellites. Tout simplement parce que la force de gravité de l'étoile devient tellement puissante en se rapprochant de l'étoile que en fait la force de gravité de l'étoile commence en fait à piquer en fait d'une certaine manière déstabilise les satellites de la planète, OK? Et ces satellites, alors qu'est-ce qu'ils deviendraient? Tout simplement, ils quitteraient leur planète. Et ils se mettraient en orbite autour de l'étoile. Donc, en fait, ces satellites deviendraient des sortes de mini-planètes. OK? Donc, on a un certain nombre d'arguments pour dire que quand une planète géante est vraiment très, très, très, très, très, très, très près de son étoile, par exemple, 1/100 de la distance de Mercure, c'est très dur de conserver un système de satellites. Voilà. Donc, on en arrive aujourd'hui un peu à la conclusion. Alors, comme on n'a rien trouvé, on commence vraiment à se demander si tout simplement cet effet de migration, en fait, n'a pas pour effet de faire perdre les satellites. Donc, ce qu'on cherche tous, en fait, c'est une grosse planète géante, mais loin de son étoile, parce que loin, elle a plus de chances de conserver ses satellites. Le seul problème, c'est que pour trouver une grosse planète géante loin de son étoile, eh ben, c'est très dur. Parce que si elle fait un transit tous les 5 ans, ben, s'il vous faut 5 transits pour confirmer une planète, il faut attendre 25 ans avant de confirmer la détection de la planète. Voilà. Donc, trouver des grosses planètes loin, eh ben, en fait, ça prend un temps monstrueux d'observation. Et pour l'instant, ce temps ne s'est pas encore écoulé. Voilà. Donc, point d'interrogation. Donc, on a une autre question de Nive dans la chatroom. Tu parlais de satellites capturés. Est-ce que la Terre peut capturer des satellites? Ah oui, la Terre peut parfaitement capturer des satellites. La Terre peut capturer des satellites. Alors, c'est plus facile quand vous êtes une grosse planète. Voilà. Bon, en gros, la théorie de la gravité, c'est plus vous êtes gros, plus vous attirez, plus vous capturez. Voilà. Donc, c'est... Alors voilà. Alors après, vous avez ce qu'on appelle des captures temporaires et vous avez des captures définitives. Ok. Alors les captures temporaires, c'est quoi en fait? Les captures temporaires, c'est pas vraiment des captures. C'est vous avez un satellite. En fait, quand vous avez une planète qui orbite autour d'une étoile, enfin, la Terre qui orbite autour du Soleil, vous avez une sorte de sphère théorique autour de la planète. C'est genre sa sphère d'attraction gravitationnelle. Alors cette sphère a un nom technique. On appelle ça la sphère de Hill, H-I-2-L. Bon. Voilà, alors la sphère de Hill, si vous voulez, c'est la sphère autour de la planète où tout ce qui passe va avoir tendance, tout ce qui passe dedans va se mettre en orbite autour de la planète. Voilà, bon. Alors, en fait, quand vous avez un astéroïde qui passe au voisinage de la Terre, en fait, il va faire quelques tours dans la sphère de Hill, donc il va être temporairement capturé, mais en fait, en réalité, il va pas rester. Il y a une histoire de conservation d'énergie. S'il avait assez d'énergie pour entrer, ben, il aura assez d'énergie pour partir. Ok. Donc, vous avez ce qu'on appelle les captures temporaires. Il va faire 3 petits tours et puis s'en va. Voilà, bon. Mais pour avoir une vraie capture, il faut, en fait, pour avoir une vraie capture, c'est vraiment un objet arrive et blam, il se met vraiment en orbite autour de la planète de manière définitive. Là, il faut aller chercher quelque chose de plus compliqué. Et là, il faut, en fait, perdre de l'énergie. Et le problème, c'est que dans l'espace, ça frotte pas trop, ben, c'est le vide, ok. Donc, faut trouver un système pour perdre de l'énergie. Alors, il y a une technique qui apparemment marche très bien. C'est il faut en gros il faut se c'est la technique de la dispute dans le couple. Ça c'était André qui m'avait dit ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc il faut savoir que vous avez beaucoup d'astéroïdes et beaucoup d'objets dans le système solaire qui ne vivent pas seuls mais qui vivent dans des systèmes binaires. On a vu des astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre. Des objets de la ceinture de Kuiper, il y en a plein qui tournent l'un autour de l'autre. OK. Donc vous avez plein d'astéroïdes binaires comme vous avez plein d'étoiles binaires, vous avez plein d'objets de la ceinture de Kuiper binairement. Alors maintenant, imaginez que vous avez un astéroïde binaire qui s'approche de la Terre. Donc vous avez deux astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre très près et qui s'approchent de la Terre. Et s'approchant de la Terre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être un peu plus attiré par la Terre que l'autre. OK? Et la Terre va déchirer le couple. Donc il y en a un qui va être attiré par la Terre et en fait, il va communiquer son trop plein d'énergie à son compagnon. Et là, ce qui se passe, c'est que vous séparez la paire binaire, vous capturez un des deux compagnons qui va rester capturé de manière permanente autour de la Terre et le compagnon non capturé, lui, repart à l'infini. Donc, vous avez séparé la paire et là, vous avez fait une capture définitive. Et ça, aujourd'hui, on pense que c'est comme ça que sont capturés tous les satellites irréguliers des planètes géantes. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser que la majorité des objets de la ceinture de Kuiper, en fait, sont des objets doubles. Et on pense que quand ils sont passés au voisinage des planètes géantes, la gravité des planètes géantes a déchiré toutes les paires. Et aujourd'hui, vous avez une population d'objets capturés qui ont perdu leur compagnon, si je puis dire, et qui, eux, continuent toujours d'orbiter autour du Soleil dans le système solaire. Voilà. C'est comme ça que vous perdez l'énergie, c'est il faut casser le couple, si je puis dire. Voilà. Alors moi, du coup, j'ai deux questions maintenant. J'en ai une. Est-ce que tu peux nous donner la différence juste d'ordre de grandeur de gravité entre le Soleil, par exemple, Jupiter et la Terre? Et la deuxième question, là, qui m'est venue juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Pluton et son satellite, c'est considéré comme un système binaire, c'est ça aussi? Ouais, c'est une très bonne remarque. Mais alors ça, par contre, le problème, c'est que le mot binaire, il est un peu mis à toutes les sauces. En fait, okay. On parle pas vraiment de système binaire, on parlera plutôt de planète double. Mais il y a un peu de cette idée, je suis d'accord avec toi. Alors attends, il y a plein de questions. Alors attends. Oui, la différence d'ordre de grandeur d'attraction entre, par exemple, le Soleil, Jupiter. Bon, alors, il faut savoir que déjà, alors, Alors malheureusement, je pourrais trouver les chiffres si j'ai une calculatrice sous la main, mais globalement, sache que le champ de gravité le plus puissant, c'est clair, c'est le soleil. Mmh. OK. Voilà. Et il faut savoir que même quand on est en orbite autour de la Terre, si tu calcules la force du soleil et même si moi je suis sur la Terre, toi tu es sur la Terre, ce verre posé sur ma table est sur la Terre. Bon. Ce verre est attiré par le soleil et par la Terre. OK. Bon. Je peux m'amuser à calculer la force qu'exerce la Terre sur ce verre. Mais je peux aussi m'amuser à calculer la force qu'exerce le Soleil sur ce verre. Tu vas voir, en fait, que la force qu'exerce le Soleil sur ce verre est des ordres de, c'est au moins 100 ou 1000 fois, je pense, plus grand que la force que la Terre exerce sur ce verre. En fait, on est tous sous l'emprise du Soleil. La force qu'exerce le Soleil sur toi est bien plus grande que la force qu'exerce la Terre sur toi. Mais alors tu dis, mais ouais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je suis collé sur la Terre? Pourquoi je tombe pas sur le Soleil? Mais pour une raison simple, c'est que le soleil exerce la même force sur la Terre. Donc en fait, tu tombes vers le soleil, mais la Terre tombe avec toi. Donc de manière, on va appeler ça de manière différentielle en fait, en réalité, les deux objets chutent ensemble, ils restent collés, mais tout le monde chute bien vers le soleil. Donc en fait, ça c'est une erreur qui est très courante, on s'imagine que la Lune tourne autour de la Terre parce que la force d'attraction de la Terre est plus forte que la force d'attraction du soleil. Ça, c'est complètement faux, en fait. Il suffit de faire un calcul, même en troisième, peut-être pas en troisième, mais en première, on peut faire le calcul. En fait, en réalité, c'est toujours le soleil le plus fort, mais le truc, c'est que tout le monde chute en même temps vers le soleil. Voilà. Donc, c'est clair, c'est plus clair ce que je... Ah oui, non, c'est très clair, et c'est je trouve que ça, c'est très clair pour tout remettre en perspective. En fait, tout le monde chute en même temps. Voilà. Donc, on reste collés les uns aux autres parce qu'en fait, on tombe en même temps. Et voilà. Faire la même chose. Et voilà. Donc, mais alors après, alors je sais plus. Alors, bah, là, il suffirait de. Alors, il y a une mesure en fait. J'ai regardé rapidement si tu veux les ordres de grandeur. C'est 10 puissance 30 kg pour le Soleil, 10 puissance 27 pour Jupiter et 10 puissance 24 pour la Terre. Donc, il y a un ordre 1000 à chaque fois en gros. Et donc. Ouais, voilà. Ok, voilà. On va dire un ordre 1000 typiquement, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous sous emprise en fait du Soleil, quoi. Du Soleil, oui. Très bien, bah merci bien. Et bah donc on arrive le sujet de l'émission de ce soir. Ah oui, ça fait quoi? Ça fait déjà une heure qu'on discute là. Je réponds de manière circonstanciée aux questions. Du coup, il y a un satellite qu'on connaît bien, qu'on connaît tous, c'est la Lune. Et d'ailleurs, on n'a qu'un seul satellite. Et du coup, bah tu donc ça c'était une des questions que je voulais te poser, mais tu y as déjà partiellement répondu. C'est assez inhabituel, donc. La plupart des géantes gazeuses en ont beaucoup beaucoup plus et d'ailleurs ils sont assez différents des satellites de la Lune aussi, des satellites de Mars. La Lune est assez différente des satellites de Mars, non? Ouais. Alors, franchement, ouais. Alors voilà. En fait, il y a une extraordinaire diversité des systèmes de satellites dans le système solaire. Alors, en fait, clairement, les satellites des planètes terrestres, c'est pas la même chose. Et le processus de formation n'est peut-être même pas le même que les satellites des planètes géantes. En fait, voilà, quand vous regardez des satellites qui orbitent autour des planètes, je vais déjà répondre à la première question, c'est la diversité. En gros, quand on regarde les satellites des planètes géantes, donc je l'avais dit tout à l'heure, vous avez des dizaines de satellites. Des dizaines. Mais alors, de manière assez intéressante, alors on ne sait pas si c'est une loi, ok. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand vous prenez la masse de tous les satellites des planètes géantes et vous la comparez à leurs planètes, donc par exemple, vous prenez la masse des satellites de Jupiter, donc vous avez Io, Ganymède, Callisto, il m'en manque un, Europe, plus tous les petits, vous obtenez à chaque fois, en gros, si vous additionnez la masse, vous voyez que les satellites des planètes géantes, la masse totale, c'est à peu près un 1/10 de la masse de la planète. Alors c'est rigolo parce que si vous faites le même exercice avec Saturne, Uranus et Neptune, vous tombez toujours autour de 1/10. Bon, vous prenez la masse de tout ce qui tourne autour de planètes géantes, et ben voilà, les satellites, vous avez obtenu ce fameux chiffre 1/10. Alors, est-ce que ça signifie quelque chose? En fait, on ne sait pas très bien. Il y en a qui disent que ça signifie rien, il y en a qui disent que ça signifie beaucoup, c'est pas clair. Bon. Mais par contre, si vous faites le même exercice avec les planètes terrestres, vous obtenez des résultats complètement différents. Alors, bon, bah Mercure n'a pas de satellite, donc en haut, vous obtenez 0. Bon. Idem pour Vénus, ok? La Terre, vous obtenez 1/100. La Lune, c'est 1% de la masse de la Terre. Alors, la Lune, elle est plus petite que Ganymède ou Io, mais quand même, la Lune, elle est, comparativement à la Terre, elle est énorme. Elle représente 1% de la masse de la Terre. Si vous prenez le système, par contre, Pluton-Charon, de l'autre côté du système solaire, c'est pas 1% que vous obtenez, c'est 10%. Donc en fait, on voit bien qu'on est complètement dans des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Les systèmes de satellites des planètes géantes, vous avez une myriade de satellites, mais au total, ça pèse que 1/10 millième de la masse de la planète, c'est quand même pas grand-chose. Alors que pour les planètes terrestres, c'est très bizarre. Il y a des planètes qui ont rien du tout. La Lune et Pluton, par exemple, ont des très très gros satellites. Et c'est pour ça, donc je rebondis sur le commentaire qu'il m'avait fait tout à l'heure. Alors, on va pas parler de système binaire pour le système Terre-Lune, mais souvent on parle de planète double. Et on parle aussi de la même chose pour Pluton-Charon. Mars est très très bizarre. Mars a deux objets qui sont Phobos et Deimos. Et par contre, eux, ils sont très légers. Peut-être, alors je crois que c'est de l'ordre de 10-6 ou 10-, ah ben pardon, 1/10 millionième, c'est de l'ordre de 1/10 millionième, 1 millionième à 1/10 millionième de la masse de Mars. Je me trompe peut-être sur le chiffre, mais en tout cas, c'est vraiment une toute petite quantité. Bon. Ces différences, elles nous font penser en fait que les processus qu'ont formé les satellites autour des planètes géantes doivent être très différents des processus qu'ont formé peut-être les satellites autour des planètes terrestres. Parce qu'on comprend pas très bien comment on peut obtenir de telles différences. Voilà. Et alors après, je sais plus exactement quelle était la question. Tu m'avais parlé de la diversité. Voilà, je t'ai parlé, voilà, la diversité. Donc, enfin, dernière chose, très rapidement, c'est que les planètes terrestres, au plus, elles ont que 1 ou 2 satellites, typiquement. Alors, Pluton, en fait, on en a découvert plus récemment. Elle a peut-être 5-6 satellites. Mais globalement, on n'a pas la myriade d'objets qu'on a autour des planètes géantes. Donc, tout ça, ça nous fait penser qu'il n'y a sûrement pas un processus de formation de satellites et qu'il y a plusieurs processus de formation des satellites. Alors, je comptais pas en parler, mais je pense que ça va faire peut-être réagir nos auditeurs, parce que tu as beaucoup parlé de Pluton comme une planète, donc je pense qu'il va falloir clarifier ici. Excusez-moi. Donc, Pluton, alors, j'appelle ça une planète terrestre, c'est faux. C'est pas une planète terrestre. Pluton n'est pas considéré à l'heure actuelle comme une planète, c'est ce qu'on appelle une planète naine. C'est juste que je voulais dire planète terrestre au sens de objet terrestre. En gros, c'est une planète solide, voilà. Mais très exactement, Pluton aujourd'hui n'entre plus dans la catégorie des planètes pour des très bonnes raisons qui ont été discutées par l'IAU, je crois que c'était en 2005 ou 2006. La principale raison, c'est que Pluton n'est pas l'objet qui domine la masse sur son orbite. Aujourd'hui, en fait, on pense que Pluton n'est que le plus gros représentant de la ceinture de Kuiper, en tout cas un des plus gros représentants de la ceinture de Kuiper, et Pluton ressemble plus à un embryon planétaire. Il y a plein de bonnes raisons de penser ça, je suis parfaitement d'accord avec ça, qu'une planète entière. Pluton, c'est une planète naine. Mais en ce qui concerne le processus de formation des satellites, on pense que comment s'est formé le système Pluton-Charon, ça doit beaucoup ressembler à comment s'est formé le système Terre-Lune. Et comment c'est formé? C'était ma question d'après. Quels sont les différents scénarios en fait de formation de la Lune? La Lune, c'est un sujet qui part un peu ennuyeux parce que c'est un des objets qu'on connaît le mieux. C'est un des premiers objets astronomiques. C'est l'objet astronomique en fait le plus visible avec le Soleil, bien sûr, la Lune. Et c'est vrai que quand on vous dit on va mettre un satellite en orbite que la Lune, c'est beaucoup moins excitant que si on vous disait on va mettre un satellite en orbite autour de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, on ne sait toujours pas bien comment se forme la Lune. Alors bien sûr, on a des idées, ok, mais il faut savoir que le couple Terre-Lune, en réalité, est bien mystérieux, et très mystérieux à bien des égards. Et il y a la bataille scientifique fait toujours rage en fait sur les processus de formation de la Lune. Ok. Alors globalement, quelle est l'idée de base? Voilà. Bon, alors il faut savoir que, ce que je vous dis sur la Lune, il faut savoir que ça s'applique pas du tout sur les planètes géantes. Hein. Donc je tiens tout de suite à le préciser. Vraiment, je vous parle du système Terre-Lune. Ok. Voilà. Bon. Grâce aux missions Apollo dans les années 70, ok, on a pu ramener sur Terre des échantillons lunaires. Bon, de plus, sur Terre, on avait déjà des météorites lunaires, mais vraiment, ce qui a fait la validation de ces météorites, c'est les échantillons d'Apollo. Et alors, quand vous regardez, on a analysé en laboratoire, ok, on a ramené à peu près 300 kilos d'échantillons lunaires, hein, c'est énorme. Alors, je tiens juste quand même pour vous donner des ordres de grandeur. 300 kilos, on va se dire, oh bah tiens, c'est beaucoup. Ok, c'est plus que beaucoup, c'est absolument gigantesque. Sachez que la mission Hayabusa 1, qui a rapporté un échantillon d'astéroïdes il y a quelques années, a rapporté un microgramme. Ok. La mission d'Hayabusa 2, qui a ramené sur Terre des échantillons il y a de ça 6 mois, je crois qu'on est plutôt dans la gamme de quelques grammes. Avec les missions Apollo, on a rapporté 300 kilos d'échantillons sur Terre. Voilà. Donc c'est exceptionnel et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je sais même pas si on saurait le refaire en fait. Voilà. Bon. Alors, donc en analysant ces échantillons, si vous voulez, on s'est dit bah bon, de quoi est faite la Lune tout simplement. Et de manière assez intéressante, on s'aperçoit que si vous regardez un bloc de roche lunaire, il ressemble énormément, il y a quand même des différences, mais globalement, il ressemble énormément à une roche du manteau de la Terre. Alors, quand vous voyez ça, alors sur la base de quoi on dit ça? Ben, en fait, vous regardez la base des différents éléments. Donc, vous passez ça dans un outil qu'on appelle un spectromètre de masse. Bon, c'est un truc qui compte les atomes, voilà. Alors, vous comptez le nombre d'atomes de silicium, de magnésium, d'oxygène, de sodium, de calcium, blablabla, ok? Et puis, vous trouvez une composition et vous dites, oh bah tiens, regardez, ça ressemble énormément, en fait, finalement, au manteau terrestre. Alors, il y a quand même des différences parce que si vous regardez ce qu'on appelle... Alors, après, il y a des éléments qui résistent à très haute température, genre le calcium. Si vous voulez faire partir le calcium ou faire sortir l'aluminium d'une roche, il faut la chauffer à plus de 2000 degrés. Bon. Les éléments qui sont très réfractaires, le calcium, l'aluminium, ils sont exactement comme le manteau terrestre, comme le manteau de la Terre. Par contre, il y a des éléments qui s'évaporent très vite. Si vous prenez un bout de roche et vous le mettez dans un four, vous prenez un caillou, vous le mettez dans un four, il y a certains atomes qui vont partir tout de suite parce qu'ils sont très volatiles. Alors bon, alors ces atomes, c'est le sodium en particulier, le sodium, hop, il s'en va tout de suite. Le potassium, clac, il s'en va tout de suite dès que vous le chauffez, le zinc, etc. Bon. En résumé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand vous prenez un bout de roche lunaire, tous les atomes réfractaires qui résistent à très haute température, il y en a la même quantité que sur Terre, enfin, en tout cas dedans le manteau terrestre. Par contre, tous les éléments qui s'évaporent très vite, le sodium, le potassium, le zinc, etc., ben en fait, il n'y en a quasiment pas. Et donc, sur la base de ça, vous dites, mais alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur comment s'est formée la Lune? Bah, en fait, un bout de lune, d'une certaine manière, de manière un peu triviale, ça ressemble énormément à un bout de manteau terrestre, mais que vous avez chauffé dans un four, en fait. Donc, tout ça, faut pas être très malin pour commencer à se dire, bon, bah, doit y avoir quand même, il est pas du tout impossible, finalement, que la lune, en fait, c'est du matériau terrestre qui est né dans un environnement extrêmement chaud. Alors après, quand vous calculez la température à laquelle il faut chauffer, c'est, on va dire, quelque part aux alentours de 2000 degrés, quelque chose comme ça, peut-être plus. Bon. Alors tout ça a l'air très sympa, bon, oui, alors, à l'issue de ça, il y avait plusieurs théories concurrentes pour former la Lune, et c'est par exemple ce type de mesure qui vous dit eh ben, que peut-être un impact géant aurait pu former la Lune. Alors, l'idée était très simple. Dans la théorie de formation planétaire, vous reprenez la théorie de formation planétaire, on vous dit, bah voilà, il y a 4,5 milliards d'années, il y avait ce disque de gaz et de grains qui tournait autour du Soleil, qui a fait des petits grains, qui a fait ensuite des gros planétésimaux, des embryons planétaires. Et ensuite, au bout de 50 millions d'années, en fait, le système solaire, comme on pense que les planètes géantes étaient déjà là, hein, Jupiter, Saturne étaient déjà là, mais on pense que le système solaire interne, c'est-à-dire jusqu'à Mars, c'était très différent d'aujourd'hui. On pense qu'il était peuplé, en fait, d'une centaine d'embryons planétaires, typiquement. OK? Alors, c'est quoi un embryon planétaire? Si vous voulez, c'est des objets qui ont, en gros, entre la taille de Lune et de Mars. OK? Alors, Mars ressemble de plus en plus à un embryon planétaire. Plus on l'explore, plus on s'aperçoit que Mars ressemble à un embryon planétaire. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? Voilà. Bon. Alors. On voit bien que pour former les planètes, il faut que ces embryons, ils se cognent les uns aux autres. Et donc là, vous avez une explication toute faite. Il suffit de dire, c'est très simple. La Terre s'est formée par un assemblage d'embryons. Quand ces embryons se tapent, eh ben, il fait très chaud, ça se tape très fort, tout fond. OK. Peut-être que la Lune est née, dans l'un de ces, grands impacts géants. OK, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est la théorie, c'est le scénario standard de formation de la Lune. Bon. Alors ça, c'est très bien, mais ensuite, après, quand vous commencez à regarder dans les détails, en fait, il y a plein de problèmes en réalité. Alors, les problèmes, c'est quoi? C'est que ces simulations d'impact. Alors, il y a eu plein de calculs qui ont été faits dans les années 2000-2020, où maintenant vous pouvez simuler dans l'ordinateur l'impact géant et vous pouvez voir en gros ce qui se passe. Alors, il y a plein d'animations qui traînent sur le web. Hein. Si vous tapez Earth Moon Giant Impact, vous allez voir plein de belles simulations. Vous voyez la proto-Terre. Et puis une petite planète qui s'approche, qui rentre en collision, la proto-Terre fond quasiment complètement. Et puis ensuite, vous allez créer un disque de débris autour de la proto-Terre. Et le noyau de l'impacteur fusionne avec le noyau de la Terre. C'est très joli. Okay, bon. Et on se dit, tiens, la Lune a pu s'emmener dans un truc comme ça. Et alors, on pensait avoir résolu le problème dans les années 2004-2005. Et jusqu'à ce qu'il y ait des personnes aux États-Unis en particulier... qui disent, ah ouais, mais on y a là, il y a un problème quand même. Enfin, c'est peut-être un problème, c'est que, au fond, le matériau qui va dans la Lune, est-ce que c'est du matériau terrestre ou c'est du matériau de l'impacteur? Alors, l'impact, vous voyez l'idée, c'est qu'il y a un impacteur qui tape la Terre. Alors, pour vous donner une idée de la masse, l'impacteur, on pense que c'est un objet de la taille de Mars, typiquement. Donc, ça fait à peu près 10% de la masse de la Terre. Voilà. Et on voit dans toutes les simulations numériques, en fait, que le matériau qui va dans la Lune, et ben en fait, c'est pas du matériau terrestre. C'est du matériau de l'impacteur. Alors, c'est un peu... Alors là, c'est gênant parce que ce qu'on mesure dans les échantillons lunaires, c'est que c'est vraiment du matériau terrestre. Alors là, on a un problème. On voit pas très bien comment résoudre le problème. C'est qu'en fait, finalement, on se dit, mais comment... Alors, comment c'est possible que la Lune ressemble autant à la Terre? Parce qu'on devrait avoir vraiment une Lune... Parce que finalement, la Lune a la même composition que la Terre. Alors, on peut toujours dire, ah ouais, mais bon, peut-être que l'impacteur... peut-être que l'impacteur, au fond, avait la même composition que la Terre. La Lune, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, très bien. Le seul truc, c'est qu'il y a une mesure diabolique qui semble remettre ça en question. Alors... Dans le système solaire, il y a une sorte de carte d'identité des objets du système solaire qu'on appelle les isotopes d'oxygène. Alors, je sais que je dis plein de gros mots là. Alors, dans un atome, les atomes, ils existent en plusieurs saveurs, ok? Vous avez plusieurs atomes d'oxygène, plusieurs atomes de carbone, voilà. Et ce qui fait la différence entre deux atomes d'oxygène, ils ont toujours le même nombre de protons, ok, mais ils ont un nombre différent de neutrons. Voilà. Donc ça reste des atomes d'oxygène, mais ils ont des numéros différents de neutrons. Voilà. Bon, alors il s'avère que il y a trois goûts dans l'atome d'oxygène. Il y a l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Bon, ça reste de l'oxygène, mais ce sont trois isotopes d'oxygène. Et de manière très intéressante, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? De manière très intéressante. Quand vous mesurez les abondances relatives de ces trois atomes dans tous les objets du système solaire, si vous dites, il y a combien de 16 par rapport au 17, il y a combien de 17 par rapport au 18, ok, vous apercevez que tous les objets du système solaire ont des valeurs différentes. Le Soleil a une certaine valeur, les météorites ont une valeur, les objets martiens ont une certaine valeur, les objets de la Lune, alors non, la Lune c'est encore autre chose, les objets de tous les objets qu'on mesure, les variétés d'astéroïdes qui se ressemblent, ils ont tous des valeurs différentes des rapports oxygène 16, 17, 18. Au point où aujourd'hui, même si on vous donne un objet, on vous donne les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène, bam, c'est presque une carte d'identité, vous pouvez carrément dire quel est l'objet que vous êtes en train d'étudier. Bon. Il y a une exception dans le système solaire à cette règle, c'est le système Terre-Lune. Les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène dans la Terre et dans les Lunes, ce sont les mêmes, mais ce sont tellement les mêmes qu'on arrive à peine, on n'arrive même pas à les distinguer dans les meilleurs spectromètres de masse du monde. Et donc, ça voudrait dire que donc j'en reviens à la question. La question, c'est comment expliquer que la Lune a la même composition que la Terre, alors que dedans, c'est pas du matériau terrestre qui a priori est allé. C'est pas ce que disent les simulations numériques. Les simulations numériques disent que c'est l'impact, c'est le matériau de l'impacteur. Il faudrait imaginer un impacteur qui a la même composition que la Terre, ou par un coup d'explication. Et là, on n'a pas l'explication, qui est exactement les mêmes rapports isotopiques en oxygène, truc qu'on observe absolument nulle part dans le système solaire. Voilà. Et donc, en gros, bah, ça, on a beaucoup de mal à expliquer au même point où on n'y croit pas. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème dans la théorie. Comment on n'arrive pas à expliquer pourquoi la Lune a la même composition que la Terre. Bon. Alors après, il y a eu tout un débat. Alors après, il y a eu même, vous savez que l'astronomie est secouée par des crises. On parle pas beaucoup de la journée. Il y a eu une crise en 2010. On appelait ça la crise du moment cinétique. Voilà. Il y a eu une grande réunion à Cambridge organisée par l'Astronomical Society. Et là, les gens se sont pas foutus sur la gueule parce que les gens se sont bien éduqués, mais ça, il y a eu des grands débats. Alors en fait, où est-ce qu'il faut aller chercher pour résoudre le problème, hein? En fait, si vous voulez, on est tenu par cette idée que, on est tenu par l'idée, c'est que ce qui fixe les conditions d'impact, la masse de l'impacteur. Ah oui, l'impacteur, parfois, vous le voyez dans certaines littératures, il y a des gens qui l'appellent Théia. Vous avez peut-être dû voir ça. Que l'objet qui a tapé la Terre et qui a donné naissance à la Lune, on l'appelle Théia. Moi, je l'utilise pas. Théia, il y a rien d'officiel. C'est un truc complètement officieux. Voilà. Bon. En tout cas, ce qui fixe, quand je vous dis que l'impacteur il fait la taille de Mars, quand je vous dis que l'impacteur il a tapé à 15 km par seconde sur Terre avec tel angle, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de connaître si bien les conditions d'impact? Parce qu'en fait, il y a une information fossile dans le système solaire, enfin dans le système Terre-Lune. Alors je vais utiliser un gros mot. Le système Terre-Lune, il conserve une quantité. Alors, vous savez qu'en physique, genre l'énergie se conserve, ça est assez bien connu. Mais il y a une autre quantité un peu plus subtile qui se conserve, qu'on appelle le moment cinétique. Alors, le moment cinétique, c'est quelque chose qui donne des boutons à tous les étudiants de licence. Alors, le moment cinétique, si vous voulez, c'est la quantité de rotation. Voilà quoi. En résumé, en gros, plus un objet est lourd et plus il tourne vite sur lui-même et plus le moment cinétique. Bon, voilà. On peut appeler ça la quantité de rotation. La quantité de rotation, c'est quelque chose qui se conserve comme l'énergie. Et dans le système Terre-Lune, en fait, le système Terre-Lune, on pense, alors en fait, maintenant, on commence à poser la question, mais a priori, on pense qu'il a conservé sa quantité de rotation. Mais attention, ça, c'est des conséquences très pratiques. Vous savez qu'aujourd'hui, alors, on sait tous, le jour fait 24 heures, ok? Et que la Lune tourne à peu près en 27-28 jours autour de la Terre. Mais ça n'a pas toujours été vrai, en fait. Ok? Vous savez que la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne à peu près 3 cm par an. Il y a un laser, toutes les semaines, au plateau de Calais, dans le sud de la France, on mesure la distance Terre-Lune, ok? Ce qu'on voit, c'est que la Lune s'éloigne à 3 cm par an. Et comme la Lune s'éloigne à 3 cm par an, ok? Elle embarque de la rotation avec elle. Comme la rotation dans le système Terre-Lune est conservée, la conséquence, c'est que la Terre ralentit. En fait, la durée du jour sur Terre aujourd'hui est plus longue qu'il y a des milliards d'années. Ok? Donc, en fait, on pense que la Lune, dans le passé, était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que la Lune s'éloigne? Bon, on pourrait s'étendre là-dessus. La Lune s'éloigne à cause des effets de marée, c'est à cause du champ de gravité de la Terre, ok? La Lune, en gros, la Lune déforme la Terre, et la réponse de la Lune, c'est que la Lune s'éloigne, ok? Mais comme la rotation est conservée, la durée du jour augmente. Si vous passez le film à l'envers, on pense que la Lune en fait a dû se former 20 fois plus près qu'elle ne l'est aujourd'hui, ok? Et on pense que quand la Terre s'est formée, la durée du jour devait durer 4 heures à peu près. Donc la Terre était un rotateur rapide. Aujourd'hui, elle fait 24 heures, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui que la durée du jour fait 24 heures? La Terre s'est pas du tout formée avec une durée du jour à 24 heures. La Terre, on pense, s'est formée avec une durée du jour à 4 heures. Et pourquoi est-ce que la durée du jour aujourd'hui fait 24 heures? Parce que la Lune s'éloigne à cause des effets de marée de la Terre. Comme elle s'éloigne, elle pique de la rotation à la Terre, et la Terre perd de la rotation. Et la rotation perdue par la Terre est communiquée à la Lune, ce qui permet à la Lune de s'éloigner. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires? Tout ça pour vous dire que la Lune a dû se former beaucoup plus proche, mais aussi tout ça pour vous dire que cette information, la quantité de rotation dans le système Terre-Lune, c'est une quantité qui est très contraignante pour l'impacteur qui a donné naissance à la Lune, parce qu'on pense que la quantité de rotation, elle a été donnée par cet impacteur. Quand vous avez eu l'impact, bam, vous avez fixé toute la rotation du système Terre-Lune. Donc, c'est une information fossile. Et en gros, si vous voulez former le système Terre-Lune, vous n'avez pas trop le choix, il vous faut si vous voulez implanter la bonne rotation dans le système Terre-Lune, c'est comme au billard, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé d'avoir un impacteur qui fait la masse de Mars, qui impacte à 15 km par seconde, et plus ou moins tout le scénario est fixé, en fait. Bon. Et quand vous faites tout ce scénario, badaboum, vous arrivez sur ce truc qui est que bah finalement dans la Lune, vous obtenez pas de la Terre, pas des roches terrestres, mais des roches de l'impacteur. Et impossible de comprendre pourquoi vous avez une composition si proche de la Terre. Alors tout ça, ça a été remis en cause après, il y a quelques années. Après, il y a des gens qui ont dit on va casser les règles. Et au fond, si cette hypothèse que la rotation était constante dans le système Terre-Lune, au fond, était complètement fausse. Dans ce cas-là, on a une autre marge de manœuvre. Ben, on n'a qu'à inventer l'impact qui mette des morceaux de Terre dans la Lune, tout simplement. Mais alors, par contre, vous abandonnez la contrainte de mettre la bonne quantité de rotation dans le système Terre-Lune. Parce que, voilà. Vous vous donnez une liberté d'un côté, mais de l'autre côté, vous perdez une liberté, quoi. Est-ce que ces gens-là ont trouvé? C'est un truc qui est assez marrant. Donc, si maintenant, vous supposez que la Terre tournait encore plus vite sur elle, en 3 heures sur elle, et qu'elle a été impactée par un tout petit impacteur, enfin beaucoup plus petit que Mars, mais hyper vite, à 20 ou 30 km par seconde, à ce moment-là, il se passe un truc assez rigolo. Donc, vous avez votre Terre qui tourne déjà hyper vite, qui est au bord de l'explosion tellement elle tourne vite, ok? Et vous avez l'impacteur qui vient donner une pichenette sur la Terre et qui accélère encore plus sa rotation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la Terre? Eh ben, la force centrifuge, elle tourne tellement vite qu'elle explose littéralement. Et, bon, alors, aussi, l'impacteur, il s'en prend plein la tronche, hein, donc il est détruit, il est absorbé par la Terre. Mais comme la Terre explose littéralement, bah, là, vous le voyez, en fait, qu'est-ce que vous mettez en orbite? C'est bien du matériau terrestre. Alors, ils ont fait tous les calculs, effectivement, bah là, on a bien une Lune qui est faite à partir de matériaux terrestres, et on n'a plus tous ces problèmes, etc. Et alors, c'est assez rigolo, alors on se dit, bah voilà, c'est fini, on a trouvé, génial, on a l'explication. Au fond, la Terre tournait hyper vite, et une pichenette l'a fait tourner encore plus vite, la Terre a tourné une matière terrestre. Mais alors, le problème, c'est que, par contre, vous êtes dans les emmerdes maintenant pour expliquer la quantité de rotation du système Terre-Lune. C'est qu'en fait, le système Terre-Lune tourne trop vite sur lui-même. Bon, et là, je vais pas aller dans les détails, mais bon, il faut invoquer tout un tas de trucs de mécanique céleste avec le Soleil. En gros, l'idée de ces auteurs, c'est que peut-être que la trop grande rotation du système Terre-Lune, elle est partie dans le Soleil. Voilà quoi. Et aujourd'hui, on est pris un peu entre ces deux grands modèles, mais c'est très important parce que ça conditionne les conditions de formation de la Terre, quoi. Très bien. Bah, merci bien pour cette longue explication. Et je voulais un tout petit peu revenir sur les... tu as beaucoup travaillé sur Saturne. Tu as d'ailleurs participé à la découverte de deux nouveaux satellites, Métone et Palène. Et Saturne est surtout connu pour ses anneaux. Et en fait, moi, il y a une question, c'est quel est le rapport entre anneaux et satellites et pourquoi la Terre n'a pas d'anneaux, en fait? Pourquoi est-ce que cet impacteur géant n'a pas laissé, en fait, un énorme anneau dans le ciel? Ouais, alors là, tu poses vraiment une excellente question. C'est une question que tout le monde se pose, mais qu'en fait, on n'a pas la réponse, en fait, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'anneau autour des planètes terrestres? A priori, rien ne l'empêche. Et on a même plutôt des bonnes raisons d'imaginer qu'il y aurait des anneaux. Parce que, au fond, là, ces impacts géants dont j'ai parlé à l'instant, on pense qu'ils ont été très nombreux lors de la formation des planètes. Et à chaque impact géant, vous formez des disques de débris. Alors, il y a plein de processus ensuite qui vont éliminer ces disques de débris, mais vous les éliminez jamais à zéro. Enfin, vous les faites jamais complètement disparaître. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi les planètes terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ça, c'est un vrai mystère. Il y a des gens qui disent que peut-être que la lumière du soleil pourrait pousser les grains. Il y a des gens qui disent que peut-être que le vent solaire pourrait pousser les grains. Alors, pour les grains les plus petits, ça, c'est sûr. Mais on pense qu'il y a dû avoir des blocs qui faisaient 1 cm, voire 1 mètre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des anneaux autour de la Terre avec des blocs qui font 1 mètre, des blocs qui font 1 mètre de taille? Ça, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de réponse. En fait, les anneaux, comme aujourd'hui, comment se sont formées les planètes, on aurait plutôt tendance à dire que les anneaux devraient être la norme. Et en fait, c'est bien la norme autour des planètes géantes. Mais il n'y en a pas du tout autour des planètes terrestres. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est pas seulement Saturne qui a des anneaux. C'est le plus connu, mais. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui. Jupiter, enfin, toutes les planètes géantes ont des anneaux. Jupiter, Uranus et Neptune. C'est vrai que Saturne a les anneaux les plus massifs, les plus beaux, les plus visibles. Ils sont d'ailleurs visibles à l'œil, enfin, avec une lunette, quoi. Mais, Jupiter a des anneaux très riches en poussière. Uranus et Neptune ont des anneaux un peu différents, qui ressemblent plus à des cordes de guitare. Mais oui, toutes les planètes géantes ont des anneaux, quoi. Voilà. Et voilà, donc on ne sait pas pourquoi les planètes terrestres ont pas. Alors ensuite, le lien, c'est quoi ta question? Le lien entre les satellites et les anneaux? Ouais, du coup, est-ce que les satellites se forment dans des anneaux? Est-ce que... Alors, c'est sûr que, bon, je vais faire une explication beaucoup plus courte, mais si, voilà. En gros, quand est arrivé Cassini en 2004, on a beaucoup, moi, je faisais partie de l'équipe d'imagerie, et donc, on a beaucoup étudié le bord externe des anneaux de Saturne. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie le bord externe des anneaux de Saturne? Parce que c'est une zone théorique qu'on appelle la limite de Roche. Alors, il faut savoir, le bord externe des anneaux de Saturne, il s'étend à peu près à 3 rayons saturniens. Voilà. Et en fait, on sait depuis Voyager qu'au bord externe des anneaux, il y a des espèces d'agrégats qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent. Bon. Et on est allé voir ça avec Cassini, et on a vu, en fait, au bord externe de notre Saturne, carrément des trucs qu'on avait identifiés comme des satellites. On a dit, ah, oh, vous avez vu, il y a un nouveau satellite. On lui donne même un numéro et tout, on calcule son orbite, voilà. Et on a vu ces satellites disparaître. Impossible de les retrouver 3 mois après. Mais par contre, 3 mois après, on en découvre d'autres. Et ensuite, ils disparaissent. Ensuite, on découvre d'autres, ils disparaissent. Donc, on a découvert avec Cassini qu'en fait, qu'il y avait une population, des trucs très bizarres, hein, une population d'objets éphémères, en fait. De satellites qui avaient l'air de pop-up comme ça, d'apparaître, de disparaître. Et ça, ça a fait germer une idée dans la tête de certains. Enfin bon, c'est des travaux auxquels j'ai participé. Consiste à dire, mais en fait, ça a l'air d'être une sorte de pouponnière à petits satellites, le bord externe des anneaux. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de développements théoriques. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que effectivement, il y aurait un mécanisme physique très rigolo par lequel, en fait, les anneaux de Saturne s'étalent comme une pâte à crêpes vers l'extérieur, mais quand ils passent cette limite théorique à la limite de Roche qui est à peu près à trois rayons saturniens, en fait, les anneaux n'arrivent pas à survivre sous forme d'anneaux, en fait. La gravité forme spontanément des agrégats comme vous formez des grumeaux dans une pâte à crêpes. Bon. Mais ces agrégats, alors parfois ces agrégats reviennent dans les anneaux et ça fait des satellites pentes temporaires, mais parfois ces agrégats arrivent à s'éloigner des anneaux. Et dans ce cas-là, vous commencez à former une petite population de satellites. Et ce qui va se passer, c'est quand ces agrégats vont s'éloigner de plus en plus. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent? Parce qu'à cause des forces de marée avec les anneaux, bon, en gros, la force de gravité entre les anneaux et les satellites a tendance à repousser les satellites. Voilà. Et ces satellites, quand ils s'éloignent, eh bien, en fait, ils vont rencontrer d'autres petits satellites qui étaient partis avant eux. Et comme ça, on a comme ça des populations, carrément des bouffées de petits satellites qui sortent des anneaux. Ces petits satellites rentrent en collision et forment des plus gros satellites qui continuent à s'éloigner. Et comme ça, en fait, on a montré qu'on pouvait reproduire toute la population de petits satellites de Saturne. Donc, au début, on s'est dit, oh, bah, tiens, c'est bien, on a un nouveau mécanisme pour former les petits satellites. En fait, c'est les anneaux de Saturne qui sont les parents des tout petits satellites de Saturne. Alors, tout le monde a trouvé ça très bien. Bon, mais alors, le truc, c'est que les petits satellites de Saturne, bon, ils pèsent pas lourd. On dit, bah, tiens, c'est rigolo, c'est un mécanisme. Hein. On va pas s'engueuler pour si peu. Voilà. Mais après, on a montré autre chose. On a montré que si maintenant, on supposait que dans le passé, les anneaux de Saturne étaient 1000 ou 10 000 fois plus massifs, c'est pas les petits satellites qu'on pouvait former. On pouvait former la totalité des satellites de Saturne, dont Titan lui-même. Alors là, par contre, la discussion scientifique a été beaucoup plus âpre. Parce que, on pensait que les satellites de Saturne se formaient un peu comme des planètes autour du Soleil par des mécanismes de coagulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là, on changeait complètement le paradigme. On disait, bah voilà, en fait, non, c'est complètement différent. Vous avez une sorte de pouponnière à satellites qui étaient des anneaux hypermassifs, une sorte de pneu autour de Saturne hypermassif. Et quand ce pneu s'est étalé, en fait, c'est fragmenté en plein de satellites et peut-être que des objets aussi grands que Titan, Encelade, sont peut-être en fait des objets qui sont nés dans les anneaux. Voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ben aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas toujours convaincu, mais à l'heure actuelle, c'est le seul modèle qui arrive à reproduire la distribution de masse et de taille des satellites de Saturne. Alors, il y a quand même des petits problèmes, mais aujourd'hui, l'idée s'impose de plus en plus que les anneaux des planètes forment des populations de satellites autour des planètes. Et récemment, j'ai même participé à un papier où des collègues de Cambridge ont appliqué la même théorie, cette fois-ci, à la formation d'exoplanètes. Alors, c'est très rigolo. Vous imaginez que vous avez des planètes qui migrent vers leur étoile. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand elles migrent, elles s'approchent trop près de leur étoile, et elles sont détruites par les forces de gravité de l'étoile, les fameux effets de marée. Mais quand une planète est détruite par les effets de marée de son étoile, elle va faire un anneau autour de l'étoile. Donc vous allez faire un anneau autour d'une étoile qui est formée de matière planétaire. Bien, vous répétez le processus. Vous avez des étoiles entourées d'exo-anneaux. Ces anneaux s'étalent, la matière se recondense, et cette fois-ci ne forme plus des satellites, parce qu'on n'est plus autour d'une planète, mais forme directement des planètes autour d'étoiles. Donc vous pouvez avoir comme ça des planètes de seconde génération qui se forment à partir d'un anneau stellaire après la destruction d'une première population de planètes. Voilà quoi. Et voilà, et puis alors c'est intéressant et ça a l'air de pas mal marcher pour un certain nombre de systèmes qu'on a observés, voilà quoi. Mais c'est une idée qui a l'air d'être assez fructueuse quoi. Mais du coup ça me fait remonter une question parce que par rapport à ce que tu disais sur le rapport isotopique, ça voudrait dire que si c'était arrivé dans le système solaire, on aurait plusieurs objets qui seraient avec des compositions proches du coup, non? C'est une bonne remarque. Mais c'est pour ça que le truc, c'est qu'on connaît pas, on a pas d'échantillon de Vénus et on n'a pas d'échantillon de Mercure. Ah. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes questions, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 3 missions qui ont été sélectionnées pour aller étudier Vénus. Et, c'est sûr que, on a beaucoup exploré Mars pour des bonnes raisons par rapport à la vie dont on parlait tout à l'heure. Puis bon, Mars, c'est facile d'y aller, quoi. Voyager 6 mois, voilà. Alors Mars, c'est dur d'atterrir. C'est pas dur d'y aller, mais c'est très très dur d'atterrir. Ok, voilà. Mais on a des échantillons martiens. On n'a jamais ramené des échantillons martiens. Mais pourquoi a-t-on des échantillons martiens? Parce qu'il y a des météorites martiennes qui sont tombées sur Terre. Ok, voilà. Et ça, il y a une signature isotopique. On sait. Mais il y a vraiment des objets dont on a aucun échantillon de Vénus et de Mercure. Et ce serait très intéressant d'avoir des échantillons de Vénus parce que on n'arrête pas de dire, vous savez, tout cours de planétologie comparée commence comme ça, en vous disant, bon, bah la Terre a 2 jumelles, c'est Mars et Vénus. La Terre, c'est celle qui est restée habitable. Le système climatique Mars et Vénus ont divergé. Mars a perdu son eau et est devenue trop froide. Et Vénus, l'effet de serre s'est emballé, est devenue trop chaude. On vous raconte tout ça. Bon. Le seul truc, c'est que c'est ce qu'on pense juste sur la base des observations qu'on a. Mais ce qu'on rêve, c'est d'avoir... Est-ce que vraiment Vénus, c'est vraiment la sœur jumelle de la Terre? Ce qu'il faudrait, ce serait un bout de Vénus, ou au moins un bout de l'atmosphère de Vénus. Et ça, on n'a pas. Et ça, je pense que le jour où on aura les mesures isotopiques, les mesures, la composition isotopique de l'atmosphère de Vénus, ou alors ça, j'ose même pas rêver, ça me paraît un peu la science-fiction carrément de la roche vénusienne, mais à mon avis, là, on en est très, très, très, très, très, très, très, très loin. Je pense que ça révolutionnera la planétologie moderne, quoi. D'accord. Et du coup, je voulais finir sur une question, parce que tu as parlé de vie justement avec Vénus et Mars. Quel est le rapport, en fait, entre la... est-ce qu'on pense que la Lune a, d'une certaine façon, favorisé la vie sur Terre? Est-ce qu'on pense qu'il y a un rapport entre ce satellite qui est finalement assez inhabituel, parce qu'il est énorme, ou parce qu'il est là déjà, comparé à Vénus, c'est parce qu'il est énorme en comparaison à Mars? Alors, à titre personnel, bon, en fait, c'est une question qui est ouverte. Ok, voilà. Moi, mon opinion personnelle, c'est que je suis tout à fait prêt à croire que la Lune a influencé l'évolution de la vie sur Terre. Il n'y a aucun doute. Par les marées, par la durée du jour, que la Lune a imprimé quelque chose dans la vie terrestre, parce que la Lune, c'est un facteur énorme dans l'environnement terrestre. C'est la Lune qui donne le rythme des marées, et en plus, on dit que les marées, c'est-à-dire ces mouvements ascendants et descendants de l'eau sur les littorales, aujourd'hui, vous savez qu'on sait toujours pas comment est apparue la vie, hein. Parmi les théories qui sont proposées, même si on sait pas très très bien comment ça marche, on imagine que les mouvements comme ça, où l'eau lèche le littoral en revenant, en partant, ça favorise des échanges chimiques, bon. Et il faut bien la Lune pour faire ça. Bon. Que la Lune ait influencé l'évolution de la vie sur Terre, ça j'en suis persuadé, et il y a plein de cycles biologiques qui sont basés sur le cycle lunaire, bon. Mais que la vie soit apparue sur Terre grâce à la Lune, à titre personnel, je n'y crois pas, quoi. Je vois pas très bien ce que la Lune a de si spécifique qui fait qu'on a formé l'ADN, par exemple, ou l'ARN, voilà. Alors, j'y crois pas. Je peux me tromper, hein. Peut-être que l'avenir dira que la Lune... Mais je vois pas... J'ai jamais vu une démonstration très convaincante comme quoi la Lune a fait quelque chose sur Terre qui puisse vraiment favoriser la vie. Par contre, que la présence de la Lune... Et par exemple, fait que certaines catastrophes ne sont pas arrivées. Alors, il y a le fameux résultat de notre académicien français, là, Jacques Lascar, qui a démontré il y a une vingtaine d'années que effectivement la Lune a stabilisé l'axe de rotation de la Terre. Ok, si tout simplement par un effet de gyroscope, hein, quand vous avez un grand volant qui tourne, son axe de rotation est plus stable. Voilà. Bon. Si la Lune n'était pas là, ce qu'a montré Jacques Lascar, c'est qu'en fait l'axe de rotation de la Terre aura pu osciller de manière beaucoup plus d'amplitude, et dans ce cas-là, le climat serait devenu beaucoup plus chaotique et beaucoup moins stable. Bon, auquel cas, on peut tout à fait imaginer que la vie ait eu du mal à se développer. Bon, enfin, ça, je suis tout à fait prêt à croire, ça me paraît très bien. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, on trouve de la vie absolument partout sur Terre, même dans les biotopes les plus hostiles. On retrouve de la vie sous la neige en Antarctique, on retrouve de la vie sous le permafrost sibérien, on trouve de la vie dans les fumeurs noires à la base des océans où il fait des températures qui sont dans les 70-80 degrés. La vie a absolument colonisé la totalité des environnements terrestres. Bon. Donc quand je vois la résilience de la vie, et quand je vois la capacité d'adaptation de la vie, je me dis, s'il n'y avait pas eu la Lune, c'est pas du tout impossible que la vie ait pu se développer quand même. Voilà, quoi. Mais la Lune a peut-être stabilisé le climat, et peut-être que la Lune a peut-être accéléré le développement de la vie par les effets de marée. Mais tout ça, c'est des questions extrêmement ouvertes parce que aujourd'hui, on n'a aucun modèle convaincant d'apparition de la vie. On ne sait pas comment on passe de l'inanimé à l'animé. OK? Alors déjà, on ne sait pas le faire au niveau moléculaire. Alors mettre dans les modèles l'influence de la Lune, je pense qu'on est encore très très très très très très très loin. Voilà. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure parce que tu disais sur la variation de la durée du jour. Je pense qu'il y a quelque chose dans tous ces modèles d'apparition de la vie qu'on a tendance à oublier, c'est que on n'a pas forcément les conditions initiales déjà, et qu'ensuite la vie elle évolue à partir de ces conditions initiales. Donc ce que tu dis c'est très intéressant parce que effectivement, quand on considère la vie et ensuite l'évolution d'une vie, qu'elle soit unicellulaire, multicellulaire, etc. Si on nous mettait, nous, maintenant, même au temps des dinosaures, je veux dire, la composition de l'atmosphère n'était pas la même, il y a 65 millions d'années, c'est même pas sûr qu'en fait, en nous mettant là, on serait capable de rester là. Et donc, finalement, on peut très bien imaginer que, mettons, si la vie est apparue quand le jour durait 4 heures, elle serait très différente et elle a évolué depuis pour tolérer les conditions qu'on a actuellement. Donc, je pense que, effectivement, d'après ce que tu dis, enfin, moi, mon point de vue en tant que biologiste qui travaille sur l'évolution, c'est que effectivement, la Lune, comme tu le dis si bien, a sans doute influé sur la trajectoire de l'évolution. Quoi. Après, revenir aux conditions initiales et savoir exactement le temps T à laquelle la vie est apparue, c'est une question qui est complètement, complètement ouverte. Bah ouais, là-dessus, je pense qu'on est complètement d'accord. Ouais. Et moi, en tout cas, ce que je vois, en tout cas, c'est que on a des échantillons dans lesquels on a des très vieilles bactéries qui remontent à l'archéen, enfin, des trucs hyper anciens, qui remontent à 3 milliards d'années. Quoi. Des trucs où c'est même pas. Alors là, je sais pas très bien, mais peut-être les premiers continents devaient apparaître ou quelque chose comme ça, qu'on a un environnement hyper différent d'aujourd'hui, quoi. C'était la chimie, la composition de l'océan, de l'atmosphère a vraiment changé. Puis bon, il y a cette théorie, tu sais, là, mais bon, qui est plus une idée plus qu'une théorie de la panspermie aussi, qui consiste à dire qu'au fond, peut-être que la vie n'est pas apparue sur Terre, peut-être que la vie a pu apparaître ailleurs. Alors moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Par exemple, quand on a des météorites martiennes sur Terre, ok, voilà, et on en a régulièrement parce que tout simplement, il y a du bombardement sur Mars, donc vous avez un astéroïde qui tombe sur Mars, ça fait plein de cailloux, et puis vous avez certains de ces cailloux qui retombent sur Terre. Bon, donc ça communique entre la Terre et Mars, ok. Bon, faut savoir que d'après les modèles de formation planétaire, ok, il est très probable que Mars ait été en fait habitable beaucoup plus tôt que la Terre. C'est-à-dire qu'il faisait une meilleure température. Et surtout, il faut savoir que Mars, on pense que le dernier, voilà, sur Terre, si vous voulez, il y a un moment où vraiment, a priori, je peux dire que la vie a pas dû exister sur Terre, c'est quand il y a eu l'impact géant lunaire. Alors pourquoi? Je pense que la température sur Terre monte à entre 6 et 10 000 degrés. Donc là, je pense que il est, comment dire, c'est conservatif, on va dire en bon français. Quand il n'y a pas eu, voilà. Je pense c'est un moment qui a dû éradiquer toute vie s'il y en avait. Voilà. Bon, mais si vous regardez l'histoire de Mars, c'est une histoire très différente. Mars ressemble beaucoup plus à un embryon planétaire, alors que le dernier grand impact géant sur Terre a dû avoir lieu à peu près 50 à 100 millions d'années après la formation du Soleil. Mars, tout était fini, pas 100 millions d'années. À 2 millions d'années. il y a des pas mal de papiers qui convergent pour vous dire que tout l'assemblage de Mars, c'est entre 2 et 4 millions d'années. Donc en fait, Mars, elle est apparue peut-être dans sa forme, peut-être pas sa forme actuelle, mais une forme proche de celle actuelle, mais en fait 10 fois plus tôt que la Terre. Bon, dans un environnement où il y a peut-être beaucoup plus d'eau sur Mars, où on a tous les signes d'érosion fluviale sur Mars, ok. Alors après là, c'est complètement spéculatif. Hein. Alors là, je veux dire. Alors maintenant, tout ce que je vais dire est spéculatif, d'accord. Donc ne dites pas Sébastien nous a dit que on pourrait tout à fait imaginer. Enfin, dans l'état actuel des connaissances, on pourrait envisager comme scénario alternatif de formation de la vie sur Terre qu'en fait la vie soit apparue en premier sur Mars. Tout simplement parce qu'il semblerait que Mars ait réuni plus tôt que la Terre les conditions d'apparition de la vie, ok, et qu'ensuite elle ait été transportée sur Terre. Je dis pas que c'est vrai, mais je dis que pour l'instant, ça reste parmi les théories et les possibilités envisagées. On n'a pas la preuve que la vie est je vais être plus clair, on n'a pas la preuve qu'on est passé de l'inerte au vivant sur Terre. Ça paraît une hypothèse raisonnable et dans laquelle, bien entendu, il faut continuer à chercher. Mais il y a quelques théories alternatives comme ça qui sont aussi intéressantes. Quand vous voyez qu'on trouve des acides aminés dans des comètes, voilà, on trouve même des acides aminés dans le milieu interstellaire, hein, vous savez. Hein, donc, des sucres dans le milieu interstellaire, des choses comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que, il y a encore 1000 questions et beaucoup de travail là-dessus. Et encore du boulot. Ouais, puis je pense aussi je parle sans savoir, et je pense que mon interlocutrice de tout à l'heure, donc c'est Alexa, sera beaucoup plus contente que moi. Mais à un moment, quand je pense qu'on fera des progrès sur notre compréhension de l'origine de la vie, je pense qu'il y aura une révolution de la pensée, un peu comme une révolution copernicienne. Je serais pas étonné qu'il y aura une révolution de la manière de penser la vie pour réussir à comprendre comment la vie apparaisse, quoi. Voilà. Je pense que si on trouve aussi d'autres formes de vie qui sont complètement différentes, ce serait ça la grosse révolution, en fait. Si on arrive à trouver autre chose qui est pas basée sur l'ADN ou, enfin, si on arrive à comprendre, comment ça apparaît, etc., ça pourra changer beaucoup de choses. Mais et je vais finir là-dessus après. Ce que tu disais sur l'impact de la Lune avec l'élévation de la température. Et il me semble que j'ai vu un papier qui est sorti il y a 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça, sur l'astéroïde qui est à l'origine de la crise Crétacé-Tertiaire. Il me semble que les nouveaux modèles maintenant disent que lors de cet impact, donc qui était quand même un gros impact, la température de l'atmosphère est montée jusqu'à 1000 degrés, quelque chose comme ça, un peu plus, et que c'est ça aussi qui a favorisé l'extinction des formes de vie. Et donc une espèce pas de stérilisation, parce que beaucoup de choses sont restées en fait, mais on éradiquait une partie de la vie qui était en tout cas pas dans les océans. Du coup, ça me faisait penser à ce que tu disais sur l'impact où la température est montée si haut que on a eu une espèce de stérilisation. Bon, dans l'impact lunaire, là, la Terre a fondu en fait. Hein. Oui, ça a rien à voir. très bien, et je te remercie beaucoup, Sébastien. Je propose d'en rester là sur la vie et toutes ces questions ouvertes. Est-ce que tu es venu avec une citation pour ce soir ? Alors, je suis venu avec une citation que je fais à tous mes étudiants de L1 au début du cours de mécanique. Alors, c'est « Il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe ». Quand le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Et cette citation est d'un poète, un philosophe français, c'est Paul Valéry. Eh ben, je la trouve très très bien, effectivement. Donc, vous pourrez regarder la Lune ce soir et vous émerveiller du fait qu'elle tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Et du coup, je te rends la parole, Cléora, pour le quiz du mois. Oui, parce que en fin d'émission, on a toujours l'habitude de te rappeler un peu le quiz du moment. Sauf qu'en cette fin de saison 11, donc de Podcast Science, on vous laisse libre à votre imagination. Donc, envoyez vos petites questions, les plus honteuses ou les plus loufoques, à podcastscience@gmail.com. On piochera certainement parmi vos propositions pour la prochaine Rolivre, qui sera certainement à la rentrée prochaine en saison 12. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Sébastien encore et merci à vous qui nous écoutez. Merci beaucoup à vous. D'être pendant un court instant tombés tous ensemble pendant un petit bout de temps, tous attirés par le soleil, lune comme terre. Hein. Et pour ceux qui nous écoutent en direct sur Terre, on se donne donc normalement, vous me dites si je me trompe, dans 2 semaines, on se donne rendez-vous dans 2 semaines après la prochaine pleine lune. en attendant que la que servir la science soit votre choix.